السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا وبياكم en cette soirée du samedi. Samedi, أول ذو الحجة 1429. أول ذو الحجة 1429, ce qui correspond 1429 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 29 novembre 2008. Naam. Nous sommes toujours dans l'Aqida al-Wasitiya. Dans Sharh al-Aqida al-Wasitiya, Inch'Allah ta'ala, dans le deuxième tome, dans le 22e cours. La fois passée, nous nous sommes arrêtés quand on a parlé de quels sont les gens qui vont être éprouvés dans la tombe et quels sont ceux qui ne vont pas être éprouvés. Ensuite, on a cité que ceux qui vont être éprouvés, qu'il y avait deux anges, Nakir wa Munkar, qui allaient leur poser les trois questions qui sont très connues par tous et toutes, Inch'Allah ta'ala. Nous avions ajouté aussi qu'il y avait une quatrième question, d'après Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Sahih al-Jama', il a dit, on demandera aux morts, est-ce que tu as vu ton Seigneur? Est-ce que tu as vu ton Seigneur? Et bien sûr, il faut qu'il réponde que je ne l'ai pas vu. Naam, je ne l'ai pas vu. Et qu'il est impossible que quelqu'un le voie dans cette dunya. Contrairement à ce que disent certains innovateurs. Naam. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, naam, on va, comme je vous ai promis, on va parler un peu en détail de ce qui se passe dans la tombe. Naam, on va citer le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, naam, qui est très connu et qui a été rapporté par, si je me trompe pas, par Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu, Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu, naam, qui a dit, naam, il a dit, nous sommes sortis vers Al-Baqi'a. Al-Baqi' c'est le cimetière de Médine qui est très connu. Il a dit, nous sommes sortis vers Al-Baqi'a. De temps en temps, écrivez mon numéro, Inch'Allah ta'ala. Un jour, il a dit, à l'occasion d'un enterrement, en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque nous arrivâmes, la tombe n'était pas encore creusée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assit et nous nous assîmes autour de lui. Nous étions tellement silencieux et tranquilles que c'était comme s'il y avait des oiseaux sur nos têtes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un bâton dans sa main qu'il utilisait pour gratter la terre. Il leva alors la tête et dit en deux ou trois fois, demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Puis il dit, maintenant il va dire exactement ce qui se passe quand quelqu'un est dans sa tombe, que ce soit bien sûr un kafir, que ce soit un muslim. Il a dit, le serviteur croyant, lorsqu'il est sur le point de quitter ce monde et de passer dans l'autre, c'est-à-dire dans l'au-delà, l'akhira, des anges au visage resplendissant descendent du ciel. Il dit, c'est comme si leur visage était un véritable soleil, amenant avec eux un linceul et du parfum provenant du paradis. Masha'Allah pour celui qui meurt croyant. Masha'Allah pour celui qui meurt pieux. Masha'Allah pour celui qui a passé sa vie dans l'obéissance d'Allah subhanahu azza wa jal. Je vois ce qui se passe. Il a dit, il s'asseye avec lui, c'est-à-dire les anges, et ils sont tellement nombreux qu'ils arrivent jusqu'où porte le regard. C'est-à-dire, quand quelqu'un est en train d'agoniser, et par exemple qu'il peut voir, s'il n'est pas dans la maison, et qu'il pouvait voir, il n'y a ni mur, ni... combien qu'il peut voir? Il peut voir très loin, il peut voir, yani 1 km, 2 km. Ça ne veut pas dire qu'il voit les détails, mais il voit des montagnes qui sont à 5 km, 6 km. Juste où s'arrête le regard, hein, toute cette partie-là, de l'endroit où tu es jusqu'à où porte le regard, il trouvera cette partie-là pleine de quoi? Pleine d'anges qui sont descendus du ciel, qui sont venus avec qui? Avec Malik al-Maut, avec Malik al-Maut qui est venu pour prendre l'âme. Il a dit, d'ailleurs, le Malik al-Maut n'est pas encore arrivé. Ce sont eux qui le précèdent. Puis vient l'ange de la mort, Malik al-Maut, mort, que beaucoup même, yani, avec ignorance, l'appellent Azraïl. Vous entendez beaucoup, les vieux et les vieilles surtout, dire Azraïl. Alors que ce Azraïl, Naam, ce nom-là n'a jamais existé, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Dans le Coran et dans la Sunna, l'ange de la mort est appelé Malakul Maut. Qul yatawaffakum Malakul Maut alladhi wukila bikum. Comme a dit le Coran et comme a dit ici le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Puis vient l'ange de la mort, Malakul Maut, qui s'assoit auprès de la tête de celui qui vient de mourir ou qui va mourir. Et il dit, ô âme pure, sors et viens rejoindre un pardon et un agrément venant d'Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam ajouta, alors l'âme s'écoulera et sortira aisément, comme la goutte coule de l'outre, comme la goutte qui coule de l'outre. Alors l'ange de la mort la saisit, il saisit l'âme, mais dès qu'il l'a prise, les autres anges qui sont présents ne la laissent pas entre les mains de l'ange de la mort un instant. Ils la portent à leur tour et la posent dans le linceul et la parfume, et commence à la parfumer. Alors émane d'elle un parfum comparable à la meilleure fragrance de musc qui puisse être trouvée sur terre. Ensuite, sallallahu alayhi wa sallam continua, il a dit, alors les anges concernés montent en emportant cette âme, montent vers les cieux. Ils ne passent pas, ces anges-là, auprès d'un groupe d'autres anges, sans que ceux-ci ne s'enquièrent. Ils disent, quelle est donc cette âme pure? Quelle est donc cette âme pure? Subhanallah. Ils répondent alors, c'est celle de un tel. Ils citent son nom, fils d'un tel. Ensuite, ils citent le nom de son père. Et ils la nomment en citant les plus beaux prénoms par lesquels on l'a désigné dans ce monde. C'est pourquoi, hein, il faut toujours appeler ses enfants par de beaux prénoms et même de très beaux prénoms. Naam. Ensuite, naam, jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel le plus proche. Ils sont en train de monter de ciel en ciel, jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel le plus proche. Ils demandent la permission d'entrer et celle-ci leur est accordée. L'accueille alors ceux qui vont la conduire au ciel suivant. L'accorde alors ceux qui vont la conduire au ciel suivant. Donc, tout cela, ce que je disais, hein, donc ils n'étaient pas encore arrivés au premier ciel. Ils n'étaient pas encore arrivés. Non, ils ont rencontré des anges qui étaient entre la terre et le ciel. Il a dit jusqu'à ce qu'ils arrivent avec eux, jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel le plus proche. C'est maintenant qu'ils sont arrivés au premier ciel. Ils demandent la permission d'entrer et celle-ci leur est accordée. Ensuite, l'accueil, ceux qui vont la conduire au ciel suivant, au deuxième ciel, jusqu'à ce qu'elle parvienne au septième ciel. Alors, l'Azawajal dira: consignez le livre, même, consignez le livre de mon serviteur, consignez le livre de mon serviteur, je trouve pas aussi, consignez le livre de mon serviteur dans Iliyin, Iliyin, au sujet duquel le Coran dit quoi? Dit qu'il s'agit d'un livre cacheté. Il s'agit d'un livre cacheté. Alors, les rapprochés d'Allah Azzawajal en témoignent, c'est-à-dire le livre des bons serviteurs, comme c'est dans le Coran. Et Allah Ta'ala dira ensuite: retournez cette personne vers la terre, ou la retournez là, cette âme, retournez-la vers la terre, parce que c'est d'elle que je les ai créés, et c'est vers elle que je les retourne, et c'est d'elle que je les retirerai une nouvelle fois. Alors le messager d'Allah alayhi continua, hein, continua le hadith, continua, il a dit: son âme est donc ramenée à son corps qui était où? Qui était dans la terre, parce que les anges n'ont pris avec elle que son âme, n'ont pris avec eux que son âme. Le corps est toujours dans la terre. Et quand Allah Azzawajal a dit ramener cette âme vers la terre, donc ils vont la ramener vers le corps. Deux anges, et le corps où se trouve maintenant? Sûrement qu'il est enterré. Sûrement qu'il est enterré. Donc on va ramener cette âme et la mettre dans son corps qui se trouve dans la tombe. Alors deux anges viennent alors. Alors deux anges viennent, le font asseoir. Quand t'asseoir le mort, et lui demande: qui est ton Seigneur? Il répond: mon Seigneur est Allah. Il lui demande ensuite: quelle est ta religion? Il réplique: mon dîn est l'islam. Il le questionne encore: qui est cet homme qui a été envoyé vers vous? Il va dire: c'est le messager d'Allah, alayhi salatu salam. Ils vont lui dire enfin: et d'où tiens-tu ta connaissance au sujet de ce que tu affirmes? D'où tiens-tu cela? D'où tu l'as eu? C'est un rêve, c'est quoi? On t'a raconté ça? D'où c'est venu tout ça? Il va répliquer, écoutez la réponse, la réponse, masha'Allah, écoutez la réponse, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire: j'ai lu le livre d'Allah, j'ai apporté foi en lui et j'ai attesté de sa véracité. J'ai lu le livre d'Allah, j'ai apporté foi en lui et j'ai attesté de sa véracité. Donc vous voyez, ceux qui répondent comme ça, ce ne sont pas des gens, hein, qui se basent sur les rêves, des gens qui se basent sur je ne sais pas quoi. Ce sont des gens qui se basent sur quoi? Sur les recherches, la lecture. Hein, il a lu et il a été convaincu, mashallah. Il n'a pas pris son dîn par imitation, il a pris par conviction. Il a lu, il a dit: j'ai lu ça dans le livre d'Allah Azzawajal et j'ai été convaincu. Qu'en est-il des gens qui ne lisent presque jamais le Coran? Qu'en est-il de ceux qui ne le lisent que pendant le Ramadan? Qu'en est-il des gens, des musulmans, qui restent des mois et des mois, 2, 3 mois, sans ouvrir le Coran? C'est pour ça que le messager d'Allah, alayhi sallam, a dit dans le Coran, c'est-à-dire Allah Ta'ala a dit que le messager a dit: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سورة الفرقان نيميرو 30. Et le messager a dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Pour une chose délaissée. Ibn al-Qayyim rahimahullah a montré dans un de ses livres que délaisser le Coran, ça peut avoir deux ou trois sens. On le délaisse en ne pas lisant ce qu'il y a à l'intérieur. On le délaisse en ne pas appliquant ce qu'il y a à l'intérieur. Non. On peut le délaisser aussi en ne pas se soignant avec les versets, les sourates qui sont à l'intérieur et qui soignent. Et qui soignent. Soignent de qui? De toutes les maladies, de la jalousie, de l'envie, du mauvais œil, de tout. Non. Et on peut délaisser le Coran en, yani, en le mettant derrière son dos et en ne pas y croire du tout. Allah Azza wa Jal nous préserve. Je disais maintenant qu'il a répondu aux trois questions, plutôt aux quatre même. Même quand on lui a dit d'où tiens-tu cela, il a dit j'ai lu le livre d'Allah Azza wa Jal, j'ai cru en lui, etc. Alors un appel est lancé du ciel. Alors qu'il est dans sa tombe, on entend un appel du ciel. C'est qui? De qui vient cet appel? Cet appel vient d'Allah Azza wa Jal. Il dira, mon serviteur a dit la vérité. Mon serviteur a dit la vérité. Résultat, c'est quoi le résultat? Tapissez donc le paradis pour lui. Habillez-le de vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte. Et ouvrez-lui une porte, yani, qui donne au paradis. Subhanallah, on va lui faire trois choses. On va lui tapisser, mashallah ta'ala, sa tombe, naam, du paradis. On va l'habiller, alors qu'il est toujours dans sa tombe, de vêtements de paradis. Et on va lui ouvrir une porte qui donne sur le paradis. Alors le messager d'Allah a dit, lui parviennent alors sa brise et son parfum. Le petit vent du paradis et le parfum du paradis lui parvient parce que on lui a ouvert une fenêtre qui donne sur le paradis. Alors sa tombe est élargie, il sera élargi jusqu'où porte le regard. Jusqu'où porte le regard. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ajouta, et un homme au beau visage, bien habillé et parfumé, vient auprès de lui et lui dit, et un homme au beau visage, bien habillé et parfumé, vient auprès de cette personne et lui dit, accepte la bonne nouvelle qui va te réjouir. Accepte la bonne nouvelle qui va te réjouir. Voici le jour qui t'avait été promis. Alors le défunt lui dit alors, qui es-tu? Ton visage est celui de la personne qui apporte le bien. Il répondra, je suis la matérialisation de tes bonnes œuvres. Naam, je suis la matérialisation de tes bonnes œuvres. C'est-à-dire, les salades que tu faisais, les jeûnes que tu faisais, les aumônes que tu faisais, les bonnes paroles que tu adressais aux gens, les aides que tu faisais, tout cela, Allah Azza wa Jal l'a matérialisé, naam, en moi. En moi. Naam. Je suis en fait la matérialisation des bonnes œuvres. Alors le défunt demandera, ô mon Seigneur, fais survenir l'heure dernière. Aqimsa, aqimsa, fais survenir l'homme dernière, l'heure dernière. Pourquoi? Afin que je puisse retourner auprès de ma famille et de mes biens. Subhanallah al-Azim, regardez. La personne, subhanallah al-Azim, c'est inné, c'est comme ça. Naam, tout le monde voudrait être près de sa famille, tout le monde voudrait être près de ses biens. La première chose à laquelle il va penser, c'est sa famille et ses biens. Oh Allah, naam, faites de sorte que yani, l'heure survienne et que pour que je sois près de ma famille et de mes biens. Parce que, alhamdoulilah, il sait que si maintenant il a échappé ici à la tombe, c'est qu'il l'échappera aussi pas yani, au jugement dernier qui sera au paradis. Mais bien sûr, quand viendra le jour dernier, il va tout oublier. Ce jour-là, tout le monde oubliera ce qui s'est passé dans la tombe et aura peur de nouveau. Et vous savez, yani, ce qui va se passer là-bas. Le prophète Sansom dit ensuite, et le serviteur Kefr, le mécréant, c'est-à-dire quant au mécréant, lorsqu'il est en train d'agonir sur le point de quitter ce monde et de passer dans l'autre, des anges au visage noirci descendent du ciel vers lui avec de la bure. Des anges, avec quel visage? Au visage noirci. Avec un visage noir, une très mauvaise odeur, descendent vers lui avec de la bure. Ils s'asseyent avec lui et ils sont tellement nombreux qu'ils arrivent jusqu'où porte le regard. Ils attendent un peu. Puis vient l'ange de la mort, Malakul Maut, qui s'assoit auprès de sa tête et dit: Ô âme répugnante, sors vers la colère et le mécontentement d'Allah Azzawajal. Le prophète Ali dit: L'âme se répand alors partout dans son corps, non, car elle ne veut pas sortir. L'âme se sauve, mais elle n'a pas où aller, donc elle va se répandre dans son corps. Dans les veines, dans les doigts, dans les orteils, elle va se répandre partout. Elle croit que comme ça, l'ange de la mort ne pourra pas la soutirer. Alors, il l'arrachera. Comme on arrache, c'est toujours le messager qui dit ça, alayhi salam. Alors, il l'arrachera comme on arrache une broche de la laine trempée. Il la saisira, mais dès qu'il l'a prise, les autres anges présents ne la laisse pas entre ses mains un instant. Ils la portent à leur tour et la mettent dans cette bure. Et la mettent dans cette bure. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors émane d'elle une puanteur comparable à quoi? Comparable à la pire pestilence d'un cadavre qui puisse être trouvé sur terre. Je ne sais pas. Si vous est arrivé de par exemple de passer devant un cadavre, pas spécialement un cadavre d'être humain, un cadavre de chien, n'importe quoi, de chat ou là, un jour ou 2 jours, 3 jours maximum, vous ne pouvez pas l'approcher à des mètres et des mètres. Là, imaginez le pire cadavre qui puisse exister sur Terre. Alors les âges concernés monte en l'emportant cette âme. Il ne passe en sa compagnie auprès d'aucun groupe d'anges sans que ceux-ci ne posent la question. Quelle est donc cette âme répugnante? Ils répondent alors, c'est celle de un tel, fils de un tel. Et ils la nomment en citant les pires prénoms par lesquels on le désignait dans ce monde, jusqu'à ce qu'ils arrivent avec elle au ciel le plus proche, le premier ciel. Chaque ciel, bien sûr, il y en a 7. Chaque ciel a quoi? A ses portes. Ses portes et ses gardiens, bien sûr. Ils demandent la permission d'entrer, mais celle-ci leur est refusée. Le prophète, alayhi salam, récita alors le passage du Coran faisant allusion à cela. Lorsque Allah Ta'ala a dit, إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. 40 الأعراف. Donc le message d'Allah a lu le verset qui dit: Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, ceux-là, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. C'est-à-dire le jour où ils vont mourir et que les anges vont prendre leurs âmes. Non. Ce jour-là, la porte ne va pas s'ouvrir. Et ils n'entreront au paradis que quand est-ce, il y a une exception, non, ils vont rentrer quand est-ce, s'ils vont remplir la condition suivante. Lorsque le chameau pénétrera dans le chat de l'aiguille, le petit trou de l'aiguille. Non. Allah Ta'ala a dit que ceux-là, ceux qui sont écartés par orgueil et en traité de mensonge le Coran, etc., ceux-là ne vont pas rentrer au paradis que lorsque le chameau va rentrer dans le chat de l'aiguille. Alors nous allons attendre que le chameau rentre un jour par le chat de l'aiguille. Imaginez un chameau de je ne sais pas combien, 400 kilos, là, 500 kilos, qui fait 2 mètres de hauteur ou là, 3 mètres. Et celui-là, il va rentrer par le petit trou de l'aiguille. Si jamais il rentre, le kafir rentrera au paradis. Allah Ta'ala aurait pu dire que, tout simplement, le mécréant ne va pas rentrer au paradis. Mais il veut lui montrer que non seulement il va pas rentrer, mais encore c'est impossible qu'il rentre. Non seulement il ne va pas rentrer, mais c'est impossible qu'il y ait l'espoir qu'il rentre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais d'espoir qu'un chameau puisse rentrer par le trou de l'aiguille, le chat de l'aiguille. La même chose. Si le chameau ne peut pas rentrer, il ne rentrera jamais. Donc le kafir ne rentrera jamais au paradis. Alors Allah Azzawajal dira, consigner son livre dans le sijin, consigner son livre dans le sijin, c'est un livre déjà cacheté, achevé. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, Kalla, inna kitab al-fujjar ila fi sijin, wa ma adraka ma sijin, kitab al-marqum. Le livre des libertins est dans la terre inférieure ou profonde. Son âme est alors jetée. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita un autre passage coranique. Wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-samaa' fa takhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. 31 Al-Hajj. L'autre passage c'est quoi? Allah Ta'ala dit: quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Sourate 22, verset 31. Donc, dans ce cas-là, puisque la rentrée lui est refusée, les anges vont quoi faire? Vont se désavouer de lui et le jeter du haut du ciel. Imaginez des millions de kilomètres de ciel. Ce n'est pas, comme croient certains, ce n'est pas Saturne ou la Lune ou le Soleil. Le ciel, c'est des milliards et des milliards de kilomètres. Moi-même, ils vont le jeter de là-bas. C'est pour ça que le verset a dit, c'est comme s'il tombait du haut du ciel. C'est comme s'il tombait du haut du ciel. Le mouchrik, bien sûr. Alors, son âme va tomber directement dans la tombe et se trouver dans son corps, dans son corps. Alors, deux anges viendront vers lui, le feront asseoir et lui demanderont: qui est ton Seigneur? Ils lui demanderont: qui est ton Seigneur? Nour Qayyim, vous êtes là, vous m'entendez? Alhamdoulilah. Tayyib. On va lui demander: qui est ton Seigneur? On va demander à qui? À ce kafir qu'on vient de jeter du haut du ciel. Il va répondre: je ne sais pas. Je ne sais pas. Il lui demande ensuite: quelle est ta religion? Il va dire: je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils vont lui dire alors: qui est cet homme qui a été envoyé vers vous? Il va dire: je ne sais pas. Troisième fois: je ne sais pas. Alors un appel est lancé du ciel. Il a menti. Il a menti. Ça ne veut pas dire qu'il a menti quand il a dit je ne sais pas, je ne sais pas. Non, mais il a menti dans son attestation. Il n'a pas été croyant, il n'a pas été véridique, il n'a pas suivi le chemin qu'il fallait suivre. Résultat, tapissez donc l'enfer pour lui et ouvrez-lui une porte vers le feu. Alors, a dit le messager d'Allah, lui parviennent les effets de sa chaleur et de son vent brûlant, et sa tombe va se rétrécir sur lui au point où ses côtes se retrouvent emboîtées les uns dans les autres. Alors, un homme au visage laid, très laid même, mal vêtu, et puant, vient auprès de lui et lui dit: accepte la mauvaise nouvelle. Voici le jour qui t'avait été promis. Alors le mort, le défunt, lui dira: qui es-tu? Ton visage est celui de la personne qui apporte le mal. Il répondra: je suis la matérialisation de tes œuvres malsaines. Je suis la matérialisation de ce que tout ce que tu faisais comme mauvais, tout ce que tu faisais comme coffre, comme les boissons alcoolisées que tu buvais, la fornication, les vols, les mensonges. Tout cela aujourd'hui, ça s'est matérialisé en moi. Alors le défunt demandera: ô mon Seigneur, ne fais pas survenir l'heure dernière. Ô mon Seigneur, ne fais pas survenir l'heure dernière. Et ce apparemment pourquoi? Afin qu'il ne soit pas jugé définitivement et qu'il n'ait pas supporté des tourments encore plus terribles. Vous voyez tout ce qui se passe dans la tombe. Et malgré cela, il demande à Allah Azzawajal le kafir, que Allah Azzawajal ne fasse pas terminer ce monde et qu'il reste encore dans sa tombe, parce que il a compris maintenant que si ça s'est passé comme ça dans la tombe, alors qu'est-ce qu'il attend dans l'au-delà? Tout le monde, bien sûr, aime le moindre mal. Le moindre mal, c'est de rester dans la tombe. Même s'il y a les horreurs, s'il y a les serpents, s'il y a tout, Al-Muhim ne pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dans une autre version de ce hadith, dans Sahih Abi Daoud, dans Sunan Abi Daoud, le Cheikh Al-Albani a dit hadith authentique, le prophète alayhi salatu wa salam dit: alors un ange aveugle et sourd, et qui ne risque donc pas d'éprouver de la pitié, sera envoyé pour cette personne, emportant avec lui un maillet en fer, tel que s'il l'utilisait pour frapper une montagne, celle-ci serait réduite en poussière. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ajouta: cet ange l'assène alors avec ce maillet un coup tellement puissant que toutes les créatures d'est en ouest l'entendent, exception faite des hommes et des djinns. Et le défunt est alors réduit en poussière. Puis son âme lui revient et son corps reprend forme pour continuer à subir ainsi le châtiment. Là, quelqu'un qui lui sera envoyé, comment qu'il est? Aveugle et qui n'entend rien. Naam. Il ne voit pas le sang qui coule, il ne voit pas la tête qui est déchirée, il ne voit rien. Et il n'entend rien. Tu pleures, tu cries, tu hurles, tu le supplies, il n'entend rien. Subhanallah al-Azim. Et, si vous voulez maintenant, écoutez le hadith qui va venir. Je crois qu'on va terminer avec ce hadith, Allah Ta'ala. An Abi Hurayrata, radiyallahu ta'ala anhu, d'après Abi Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit: inna al-mu'mina fi qabrihi la fi rawdatin khadra'a. Il a dit: le croyant, quand il est dans sa tombe, il est dans un endroit, mashallah, vert, comme de la verdure, comme ça, un petit jardin vert. Fa yurahhabu lahu qabruhu 70 dira'a. Il a dit, on va lui étendre et élargir sa tombe 35 mètres. Wa yunawwaru lahu kal qamari laylat al-badr. Et dans sa tombe qui est toute noire, on va l'illuminer comme d'une lumière comme la nuit, comme la nuit qui la lune qui est dans son plein quartier. Vous voyez, quand il fait nuit et qu'il y a la lune au-dessus de nos têtes et qu'elle est dans son plein quartier, c'est comme quoi? C'est comme s'il faisait jour. Naam. Ensuite, il a dit: "Atadruna fima unzilat hadhihi al-aya fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma." Il a dit: "Est-ce que vous savez?" Le messager d'Allah dit: "Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez sur qui le verset suivant est descendu. Ensuite, il a cité le verset où Allah Azza wa Jalla a dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Le verset qui dit que celui qui s'éloigne de dhikr Allah Azza wa Jalla, celui qui s'éloigne du Coran, celui qui s'éloigne de l'islam, il a dit celui-là, yani, il a une vie. C'est une explication yani, approximative. Il a dit il a une vie d'anka, yani, vraiment, vraiment difficile. Et le jour de la résurrection, on va le ressusciter aveugle. Il a dit, vous savez sur qui s'est descendu ce verset? Bien sûr, ils ont dit non, ils ont dit Allah wa Rasulu A'lam. Qal, adabu al-kafir fi qabri. Il a dit, quand Allah Ta'ala a dit, il aura une vie difficile, etc. Il a dit, il est en train de parler du kafir, et de la vie qu'il passera dans la tombe. Parce qu'apparemment, nous, quand on traduit, on croit que c'est la vie d'ici-bas. Mais le messager d'Allah, il n'y a pas quelqu'un qui connaît le Coran mieux que lui, a dit non. Allah Ta'ala est en train de parler de la vie qu'on va passer dans quoi? Dans la tombe. Il a dit, il aura une vie vraiment, vraiment, vraiment difficile dans la tombe. Et ensuite, il a dit, il est en train de parler de qui? Il est en train de parler du kafir. Du kafir, une vie, a'oudou billah. Imaginez ce qu'il y a dans la tombe. Qala, والذي نفسي بيده. Ensuite, le messager d'Allah a juré par Allah. Le messager d'Allah, on le croit sans qu'il jure. Maintenant, s'il a juré, ça veut dire que la chose est vraiment grave. Car nous les croyons, on croit le messager d'Allah sans qu'il jure. Sans qu'il jure, on lui dit Sami'na wa ata'na. On n'a pas un gramme de doute. On n'a pas un brin de doute dans ce qu'il dit. Maintenant, imaginez, il a juré. والذي نفسي بيده. Je jure par celui qui détient mon âme. Que quoi? إنه يسلط عليه 99 تنين. Je jure par celui qui détient mon âme que Allah Azza wa Jal va envoyer au kafir quand il est dans la tombe 99. Il va envoyer combien ici? 99 تنين. Il va lui envoyer 99 dragons. 99 dragons. Vous savez c'est quoi un dragon, hein? Qui a plusieurs têtes. Des têtes comme ça de serpents. Il a dit combien qu'on va lui envoyer de dragons? 99. Ensuite il a dit sallallahu alayhi wa sallam, vous savez c'est quoi le dragon? Ils n'ont jamais vu un dragon. On le voit dans des livres, dans Mickey, on n'a jamais vu un dragon dans la forêt. Il a dit, c'est pour ça qu'il a dit, vous savez c'est quoi un dragon? Il a dit, 70 serpents. Chaque serpent, chaque serpent a 7 têtes. Il le morde, il le griffe, jusqu'au jour de la résurrection. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla nous préserve de quoi? Du supplice de la tombe. Je répète, il a quoi? 80, on lui envoie 99 dragons. 99 dragons. Un dragon, c'est quoi? C'est 70 serpents. Et chaque serpent a 7 têtes. Donc, un seul dragon, ça donne quoi? Ça donne 70 par 7. Un seul dragon, ça donne 490 têtes. Imaginez 490 têtes de serpents en un seul dragon. Combien il y a de dragons? Il y a 99. Donc 99 multiplié par 490, ça donne, je l'ai calculé, 48 510 têtes de serpents. Combien qu'il y a avec le mécréant de serpents qui le mord et le griffe? Il y a 48 510 serpents. 48 510 têtes de serpents. Ah, Allahu Akbar. C'est pour ça que le messager d'Allah, on comprend maintenant pourquoi il a dit que il n'est pas permis de terminer la prière sans demander quatre choses. Entre autres, qu'est-ce qu'on demande? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous, yani, de nous préserver de l'adhab al-qabr, du châtiment de la tombe. C'est ça qu'on termine le tashahhud. Qu'est-ce qu'on dit? Allahumma inni a'udhuka min adhab al-qabr, wa a'udhuka min adhab jahannam, wa a'udhuka min fitnat al-mahya wal-mamat, wa a'udhuka min fitnat al-masih ad-dajjal. Vous avez remarqué? Allahumma inni a'udhuka min quoi? Min adhab al-qabr. Oh Allah, préservez-moi du châtiment de la tombe. Le châtiment de la tombe, ce n'est pas quelque chose de facile, surtout pour le kafir, hein, qui a entre autres, 48 510 serpents qui l'attendent. Ce hadith, pour que vous sachiez où il se trouve, vous allez le trouver dans quoi? Dans Sahih al-Tarhib al-Tarhib. Le Cheikh al-Albani, il a dit, hadith bon, hadith Hassan, numéro 3552. Hadith numéro 3552 dans Sahih al-Tarhib de Cheikh al-Albani, rahimahullah. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous préserve du supplice de la tombe. Allahumma qina adab al-qabr, Allahumma qina adab al-qabr, Allahumma qina adab al-qabr. Tayyib. Maintenant, on va expliquer un peu. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque le kafir est frappé avec ce qu'on appelle le maïla, hein, il est frappé pour qu'il devienne poussière, il va hurler d'un cri que tout le monde va l'entendre. Sauf qui? Sauf les djinns et les êtres humains. Sauf les djinns et les êtres humains qui ne vont pas entendre quoi? Qui ne vont pas entendre ce cri et par conséquent ce qui se passe dans la tombe. Non. C'est pour cela que donc qui va entendre, qui va voir? Les animaux par exemple. Tous les animaux entendent ce qui se passe dans la tombe. Alors, vous connaissez le hadith authentique où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était sur un cheval et le cheval a commencé à yani lever comme ça ses jambes presque à faire tomber le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Ensuite le messager d'Allah a dit que il y a dans cette tombe, dans ces tombes là il y a deux personnes qui sont en train d'être châtiées. Je dis que les animaux connaissent, entendent ce qui se passe dans la tombe quand ils sont proches de la tombe. C'est pour ça que j'ai lu une fois, si je me rappelle pas, si je me rappelle bien, c'est dans un des livres de Ibn al-Qayyim rahimahullah, si je me rappelle bien, dans un des livres de Ibn al-Qayyim rahimahullah, si je me trompe pas, non, où il a dit que autrefois, quand par exemple un cheval ou un âne ou là avait ce qu'on appelle la constipation, hein, qu'il tombait malade et ne pouvait plus faire ses besoins, il a dit que certains salafs le prenaient cet animal devant une tombe, surtout une tombe d'un kafir. Hein. Et bien sûr, dès qu'il entend ce qui se passe à l'intérieur, il a tellement peur que son ventre yani, va marcher. Il a tellement peur et maintenant, de la constipation, il va passer à la diarrhée. Il va passer à la diarrhée. Al-Muhim. Donc, pourquoi? Pourquoi Allah Azza wa Jal a fait de sorte que nous, les êtres humains et les djinns, on n'entende pas ce qui se passe dans la tombe? Il y a beaucoup de sagesse en cela. On va citer quelques sagesses. Premièrement, ce qu'a dit le messager d'Allah en disant Laula la tadafanu la da'awtu Allah azza wa jalla an yusmi'akum min adab al-qabr. Rawa Muslim. Le messager d'Allah a dit si je n'avais pas peur que vous ne vous enterriez plus, alors j'aurais demandé à Allah azza wa jalla de vous faire entendre ce qui se passe dans la tombe. Donc c'est quoi la première cause? La première cause, c'est pour notre rahma. Allah azza wa jalla nous veut du bien et ne veut pas nous faire entendre ce qui se passe dans la tombe. Car s'il nous fait entendre ce qui se passe dans la tombe, personne de nous ne va enterrer une autre personne. Non, personne n'aura le courage d'enterrer une autre personne. Donc, pour qu'on s'enterre, Allah Azza wa Jal ne nous a pas fait entendre ce qui se passe dans la tombe. Il y a aussi d'autres sagesses, la deuxième. Anna fi ikhfa'i dhalika sitran lil mayyit. Non. Le fait qu'on n'entende pas ce qui se passe dans la tombe, Ça peut aussi être quelque chose de positif pour le défunt. C'est quoi? C'est pour ne pas le dévoiler. Nous, quand on va déposer quelqu'un dans la tombe, on va l'enterrer. Si on pouvait entendre ce qu'il y a à l'intérieur, dès qu'on l'entend, dès qu'on l'enterre, on va entendre les cris et les hurlements, etc., etc., si c'était quelqu'un de pervers qui buvait l'alcool, etc. Donc, mais puisqu'on n'entend pas, Allah Azzawajal ne veut pas dévoiler, il veut laisser cacher ce qui se passe à cette personne dans la tombe. On ne sait pas. On la met dans la tombe, on l'enterre, on fait des doigts et on part. Personne ne peut dire cette personne est en train d'être châtiée ou elle n'est pas. Personne n'a la preuve, sauf bien sûr si c'est un kafir. On parle des musulmans. Troisièmement, أن فيه عدم إزعاج لأهله لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح لم يستغفر لهم قارا. Troisièmement, Allah Azza wa Jal ne nous fait pas entendre ce qui se passe dans la tombe pour le bien de sa famille. Car la famille du mort, s'ils savent que leur mort est en train d'être châtié, jamais ils ne pourront être tranquilles. Ils ne peuvent ni dormir, ni manger, ni sortir, ni aller travailler, ni aller à l'école, et encore moins aller se promener. Mais, puisque personne n'entend ce qui se passe, alhamdoulilah, ils sont sereins, ils sont calmes. Quatrièmement, عدم تخجيل أهله لأن الناس يقولون هذا ولدكم هذا أبوكم هذا أخوكم وما شبه ذلك. Quatrièmement, aussi pour le bien de sa famille. Comment cela? Il a dit, si les gens entendaient ce qui se passe dans la tombe, alors sa famille serait humiliée. Les gens viendront dire, voilà votre frère, voilà votre père, voilà votre cousin, voilà votre... Et comme ça. Tous les ennemis de la famille, les ennemis de la famille seront contents. Et ils viendront nous dire, voilà, on a entendu votre père châtié, on a entendu votre frère, comme ça et comme ça. Khamisan, il y a une autre sagesse, cinquièmement, أننا قد نهلك لأن صيحته ليست هينة بل صيحة قد توجب أن تسقط القلوب من معاقلها فيموت الإنسان ويخشى عليه. Cinquièmement, Allah Azza wa Jal ne veut pas, il n'a pas voulu nous faire entendre ce qui se passe dans la tombe. Cinquièmement, pourquoi? Parce que nous aussi, si on entendait cette chose, on risquait de mourir. Il a dit, c'est tellement abominable, c'est tellement je trouve pas le mot, que quoi? Que si on entendait, nos cœurs risquent de se détacher. Et on risque ou bien de mourir, ou bien de tomber évanoui des heures et des heures, peut-être des journées, peut-être on tombe dans le coma. Certains risquent de devenir fous, certains risquent de mourir sur le champ, certains risquent de tomber dans le coma. Donc c'est pour notre bien que Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu nous faire entendre ce qui se passe dans les tombes. Sixièmement, pourquoi aussi on n'entend pas ce qui se passe dans les tombes? لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين لكان الإيمان بعذاب القبر من باب الإيمان بالشهادة لا من باب الإيمان بالغيب وحينئذ تفوت مصلحة الامتحان لأن الناس سوف يؤمنون بما شهدوه قطعا لكن إذا كان غائبا عنهم ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر صار من باب الإيمان بالغيب. نعم. Il a dit sixièmement, et c'est très important, si les gens maintenant entendaient ce qui se passe dans la tombe, les hurlements du mort, le supplice, le châtiment, alors ça devient quoi? Ça ne devient plus du monde de l'invisible. Non, c'est l'autre monde, c'est le monde qu'on voit. C'est comme je vois maintenant, il y a en face de moi une armoire, il y a un lustre au-dessus de moi, il y a le mort, je suis en train de l'entendre. Non, non, non. Ce qui se passe dans la tombe, ça relève de l'avenir, ça relève de l'invisible. Ça relève des choses dont il faut seulement croire sans les voir. C'est pour ça. C'est quoi la différence entre nous et le mécréant? C'est ça la différence entre nous et le mécréant. Le mécréant, il te dit, je ne crois qu'en ce que je vois. Je vois et j'entends. Si je ne vois pas, si je n'entends pas, je n'accepte pas. Et nous, les croyants, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on croit en ce qu'on voit. Et on croit en d'autres choses, beaucoup, beaucoup d'autres choses qu'on n'a jamais vues. On n'a jamais vu le paradis, on On n'a jamais vu le messager d'Allah, on n'a jamais vu Allah, on n'a jamais vu l'enfer. On croit en l'invisible. C'est un pilier chez nous. C'est un pilier, croire en l'invisible. Celui qui ne croit pas en l'invisible, c'est un kafir. C'est une grande différence. C'est pour ça, hein, si maintenant on pouvait entendre ce qui se passe dans la tombe, ce n'est plus l'invisible. Tout le monde viendra écouter et va dire, ben en fin de compte, c'est vrai, hein. C'est vrai ce que disent les barbus là, c'est vrai, il y a, on vient d'entendre quelqu'un de en train d'hurler, donc c'est vrai, donc il y a le châtiment, donc il y a Allah, donc il y a l'islam, donc il y a tout. Non, il faut que tu crois sans voir. Allah Ta'ala veut que tu crois sans voir et sans entendre. Est-ce que tu crois seulement en lisant le hadith et le Coran, ou bien non, tu dis il faut que je voie, il faut que j'entende. Vous voyez la grande différence? C'est ça la grande différence. Naam. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire. J'ouvre une parenthèse pour dire. Il y a une année peut-être, ou deux, je ne sais pas si c'est arrivé chez vous ou pas. Je ne sais pas, mais sûrement que c'est arrivé maintenant, le monde est petit, avec l'internet, le monde est petit. On a propagé quelques cassettes dans lesquelles on prétend que ce sont les hurlements et les cris de ceux qui sont dans la tombe en train d'être châtiés. Moi, personnellement, j'ai entendu cette cassette. On entend des pleurs, des hurlements, surtout de femmes et d'enfants. Oh, des hurlements, il y en a vraiment, il y en a. Et comme quoi, c'est quoi? Comme quoi, on a pu, avec je ne sais pas quel appareil, quel ceci, quel cela, on a pu, il y en a, entendre et détecter des sons de ceux qui sont en train d'être châtiés dans la tombe. Dans la tombe. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, vous l'aurez vite deviné que cela n'est pas vrai. Et que si c'était vrai, donc ce qui se passe dans la tombe ne devient plus du domaine de l'invisible. Classe, on entend, voici la preuve, allez, classe, ce n'est plus l'invisible. Alors, il faut vite dire que tout cela, ce n'est pas vrai. Tout cela, c'est fabriqué par des kuffars, hein, qui ont la technologie dans leurs mains, bien sûr, et qui font des choses comme ça pour ébranler les musulmans. Pour ébranler, les musulmans. Car certains musulmans croient, qui sont naïfs, ils croient que une cassette pareille, c'est dans l'intérêt des musulmans. Ils disent, Masha'Allah, on a des preuves maintenant contre les kuffars. Que voilà, il y a le supplice de la tombe et on peut l'entendre, etc. Et ils ne savent pas qu'il vient de quoi? Il vient de démolir un des piliers de l'islam. Le pilier de quoi? De l'invisible. Que tout ce qui se passe dans la tombe, c'est l'invisible et personne ne peut ni entendre, ni écouter, ni voir. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit une fois, si je n'avais pas peur, si je n'avais pas peur que vous n'alliez plus vous enterrer, j'aurais demandé à Allah de vous faire entendre. Ça veut dire, puisque j'ai toujours peur que vous n'allez pas vous enterrer, je ne vais pas demander à Allah de vous faire entendre. Donc, si je ne vais pas demander à Allah de vous faire entendre, personne ne pourra demander à Allah de vous faire entendre. Et remarquez bien ce qu'il dit, j'aurais demandé à Allah de vous faire entendre. Ce n'est pas aux cassettes, ni à X, ni à Y. Allah va faire t'entendre. Mais il n'y a pas celui qui va demander à Allah de nous faire entendre. Donc, le messager d'Allah est mort. Donc, personne n'entendra. L'occasion est passée. Personne. Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulillah. J'attire l'attention des admins. Que, Inch'Allah Ta'ala, quand vous me voyez rentrer dans le salon, après l'avoir quitté, quand je rentre, Inch'Allah Ta'ala, enlevez-moi le point rouge. Car des fois, je ne me trouve pas. Je commence à me chercher, je perds du temps. Je me cherche où je suis dans la liste, je ne me trouve pas. Si vous me voyez, Inch'Allah Ta'ala, enlevez-moi directement le point rouge. Je disais, bismillahirrahmanirrahim, j'avais promis de répondre à quelques questions la fois passée. J'ai dit que je n'ai pas trouvé à qui poser la question. Parce que quand j'étais au Koweït, c'était facile de là-bas. Je téléphonais, c'était pas cher. C'était. Non, ici, c'est un peu difficile. C'est pour ça que, Inch'Allah Ta'ala, je vais répondre à ces questions avec ce que Allah Azzawajal m'a appris. Si je réponds juste, c'est que Allah Azzawajal m'a aidé. Si je réponds faux, Ça revient à moi et au shaitan, c'est tout. Non. En ce qui concerne le frère qui avait posé la question de la mutuelle et son héritage, je réponds, Inch'Allah ta'ala, tout argent qui vient après la mort, qui est donné à une personne, ça rentre dans l'héritage. Si une personne meurt, ensuite, que ce soit une compagnie qui lui donne l'argent, ou bien les gens, ou bien un créancier, n'importe qui lui donne de l'argent. Cet argent, c'est pour le mort, c'est à cause du mort. Donc cet argent, Inch'Allah ta'ala, rentre dans quoi? Rentre dans l'héritage. Si c'est un kafir, on n'a pas le droit, naam, d'hériter un kafir. C'est pour ça que ceux qui ont des parents mécréants, vous savez que vous n'avez pas le droit de les hériter quand ils meurent. Mais vous pouvez profiter d'une chose, c'est de demander que quand ils sont vivants, ils vous partagent. Ils vous partagent, ou bien vous font des dons. Naam, puisque moi je ne vais pas hériter, naam, si c'est possible, mon père, vous me faites un don de telle chose ou telle chose, de telle partie de terre ou telle ceci, cela. Naam. Je dis aussi que, écrivez numéro 1 si vous m'entendez, l'argent, au lieu de le laisser chez l'État qui va le prendre, on le récupère et on le donne, puisqu'on n'a pas le droit de le prendre nous, ça vient du père Kafir, on le donne aux nécessiteux musulmans. Cheikh Ibn Outaymin Rahmoullah a dit que même si un kafir nous donne de l'argent pour construire la mosquée, on le prend. On construit la mosquée avec. Ensuite, c'est le kafir qui a quoi? Qui a l'ithm. C'est le kafir qui a les péchés. Et nous, on profite, on fait la salat et les musulmans viennent faire la prière à l'intérieur. On a dit, on profite. Naam. En ce qui concerne notre sou'al, le sou'al, la question qui sera portée au fromage. Caprice des dieux. Est-ce que ça se mange pas à cause du nom. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, que les noms, ne peuvent pas changer une réalité. Un fromage, s'il est halal en lui-même, il se mange même si on l'appelle avec n'importe quoi. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que ce fromage, se mange et est construit à base de quelque chose de licite. Maintenant, bien sûr, s'il porte atteinte à l'islam ou là, on peut ne pas le manger. Ce n'est pas parce que lui il est haram, mais pour yani, répliquer à l'usine ou là qui l'a fait. De toute façon, quand c'est écrit caprice des dieux, de toute façon, les dieux, il n'y en a pas un seul. Il y a beaucoup de dieux. Mais il y a un seul qui mérite l'adoration. C'est qui? C'est Allah Azzawajal. C'est seulement à lui qu'on doit lui vouer l'adoration. Mais les dieux, il y en a. Naam. C'est pour ça que un nom ne peut pas changer la réalité d'une chose. Si par exemple, des gens vont décider d'appeler les pommes, ils vont décider de les appeler d'un nom, par exemple, un nom obscène, un nom qui n'est pas bien, un mauvais nom, vulgaire, est-ce que je vais m'interdire les pommes à cause de, ils l'ont appelé avec un nom qui n'est pas bien? Et le contraire est valable. Est-ce que la bière, si on va l'appeler avec un bon nom, est-ce que ça va la rendre licite? Impossible. Le nom ne change rien en la chose. Wallahu azza wa jal a'lam. Pour l'argent qu'on nous donne pendant la Noël ou la prime, etc., Inch'Allah ta'ala, d'après ce que j'ai lu une fois dans Iqtida Sirat al-Mustaqim de Ibn Taymiyyah rahimahullah, la cité, le hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha, ou bien de Ali ibn Abi Talib, l'un des deux, j'ai oublié maintenant, je pense que c'est Aïcha radiallahu ta'ala anha, où elle a dit, on lui a dit que les gens nous offraient des choses pendant leur fête, la fête des juifs, la fête des chrétiens, on nous offre des choses. Est-ce qu'on mange ou pas? N'oubliez pas que les musulmans autrefois, à Médine, vivaient avec les qui? Avec les juifs. D'ailleurs, elle a répondu, ou bien il a répondu, ou bien c'est Ali qui a répondu, manger tant que ça ne relève pas de l'égorgement. Tant qu'ils n'ont pas égorgé cette chose et ils l'ont égorgé à cause de leur fête, etc. Elle a dit manger si c'est des choses qui viennent d'Allah Azzawajal. C'est des choses comme par exemple manger l'akhar, manger les bananes, manger, on vous offre des pommes, manger les pommes, on vous offre des fraises, manger des fraises. Ce sont des choses qui viennent d'Allah Azzawajal, mais seulement on te les a donné ce jour-là. Je pense, Wallah Azzawajal A'lam, que cet argent n'est pas interdit. Mais cela dépend, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va acheter le Coran ou là on va aller boire de l'alcool? Ça dépend ce qu'on va faire avec cet argent. Allah Azzawajal A'lam. Ensuite reste, Naam, ensuite pour terminer, pour commencer, pour terminer, quand j'ai parlé la fois passée, parce que à chaque fois quand je termine le DAS comme ça et je commence à méditer ce que je dis, je me rappelle des choses que j'ai oubliées ou des choses que il fallait pas dire comme ça ou là des choses inversées ou là. La fois passée vous m'avez posé la question sur qui est prioritaire pour le Hajj, les parents ou bien l'épouse. J'ai dit l'épouse. Enfin, quand j'ai bien médité, je me suis rappelé que l'épouse était prioritaire dans les choses qui sont obligatoires. Le manger, les vêtements, le boire, ceci. Comme d'après le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le hajj en lui-même, et je vous l'ai dit déjà une fois, il n'est pas obligé pour le mari de payer le hajj à sa femme. Le mari, l'islam ne lui demande pas de payer obligatoirement le hajj à sa femme. Mais s'il veut le faire, c'est bénévolement. Maintenant, puisqu'on parle de choses qui sont bénévoles, c'est tout, et on a les parents d'un côté, et on a l'épouse d'un côté, je crois, Allah Azza wa Jalla A'lam, qui devrait faire précéder les parents. Je crois, Allah Azza wa Jalla A'lam, qu'il devrait faire précéder les parents. Allah subhanahu wa ta'ala A'lam. Tfadla, inshallah, je vous donne maintenant la route. Tfadla, inshallah, on commence, bidnillah ta'ala. Adenul Haq, c'est à votre tour, inshallah, de poser votre question. Je vous ai retiré le raid. Abou Marwan, est-ce que tu peux venir, inshallah, en paix? Bismillah, assalamu alaikum. Cheikh, mon père est décédé voilà maintenant quelques années. Il n'était pas musulman, mais c'était un homme bon. Et donc, lorsque l'ange de la mort est venu lui retirer son âme, il avait un beau visage serein et souriant. Alhamdoulilah. Je ne vous cache pas que j'ai un grand espoir pour lui et que bien évidemment, je fais beaucoup de dua pour qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Qu'est-ce que vous en pensez? Barakatou. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatou. Naam, je voudrais attirer l'attention des frères et des sœurs, naam, de tout le monde en général, que quand on a un parent, par exemple, qui meurt mécréant, ou là un frère, ou là une mère, et que bien sûr, on ressent du chagrin dans le cœur, qu'il faudrait toujours penser à qui? Penser à la meilleure créature, qui est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui quoi? Et qui avait un père et une mère dont lui-même il a dit ils sont quoi? Ils sont morts mécréants et il a dit même que où est mon père dans le hadith comme vous savez où est mon père hein? Il a dit qu'il était en enfer et que sa mère aussi comme vous devez le connaître. Donc il y a le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'en est-il de son oncle? Qu'en est-il du père de Ibrahim alayhi salam et des pères de beaucoup de prophètes? Mais, reste une seule chose. Le mécréant, il est mécréant. Il est mort mécréant, personne ne peut le sauver. Reste une seule chose. Est-ce que peut-être, il sera de ceux à qui l'islam n'est pas arrivé? C'est-à-dire que c'était une personne qui cherchait, qui essayait de comprendre, une personne qui a vécu très loin de ce monde et qui n'a pas, ou là une personne qui a entendu de l'islam, un faux islam. On lui a présenté l'islam comme si la terreur, le terrorisme, les meurtres, comme les takfir, les takfiriyoun et les khawarij, comme ça il présente l'islam. Faut couper les têtes, faut ceci, faut cela. Il a dit donc moi, j'aime pas cet islam. Mais en fait, il n'a pas connu le vrai islam. Celui-là, il peut être, il sera, comme dit le messager d'Allah, il sera quoi? Il sera éprouvé et testé le jour du jugement dernier. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadla le suivant. Salam alaykoum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien ainsi que votre femme. Une sœur qui se trouve dans le salon demande, Inch'Allah, est-ce autorisé de déclarer un pays musulman qui n'applique pas la charia de Tarout? Peut-on prendre de ces personnes la science? Et de plus, elle nous met en garde contre vous. Je souhaite avoir votre adresse e-mail afin de vous envoyer un audio dans lequel une personne vous contredit. Cheikh, vous avez entendu la question? À mon avis, Allahu a'lam, mais le cheikh, il doit rigoler. Est-ce autorisé de déclarer un pays musulman qui n'applique pas la charia de Tarout? Déjà la question, Allah musta'an. Il y a une erreur. À vous, cheikh. Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatou. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulillah. À la fin, qu'est-ce qu'elle dit? La personne, je souhaite votre adresse email afin de vous envoyer un audio dans lequel une personne vous contredit. Non. Je dis à cette personne, Jazakillahu khairan, mais ne m'envoie pas l'audio. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, ce n'est pas l'audio d'un savant. C'est l'audio de qui? C'est l'audio d'un ignare. C'est l'audio d'un super ignorant, d'un ignorant que jamais on n'ait connu pareil. Si c'était l'audio de Cheikh Fouzan, envoyez-la moi. Si c'était l'audio de Ibn Taymiyyah, envoyez-la moi. Mais si c'est l'audio de Salah 19 ou la Palestine, ou ne sais pas qui, des gens qui n'ont jamais étudié la charia, ce n'est pas la peine, je n'ai pas le temps. De perdre, je n'ai pas de temps à perdre. De toute façon, je sais que cet audio existe, mais moi je n'ai pas le temps d'écouter. Naam, ça prend combien? Une demi-heure ou là? C'est beaucoup une demi-heure. Je donne une demi-heure à écouter des bêtises, je n'ai pas le temps. Quant à la sœur Hadi qui met en garde contre moi, ou là, celle-là, il faut lui faire des doigts. Celle-là, on lui a donné le virus. Naam, on lui a fermé les yeux, on lui a scellé le cœur. Elle croit quoi? Elle croit que c'est elle qui est dans le juste maintenant. Elle va se dire, Masha'Allah. Naam, elle va se dire, Masha'Allah. Naam, tout le monde est kafir. Et moi, et Salah, et 5 ou 6, nous sommes nous qui allons entrer au paradis. Tous les autres sont dans l'erreur. Ils n'appliquent pas la charia. C'est moi. Et c'est moi Salah, c'est moi X qui appliquons la charia. C'est nous qui allons être avec les messagers d'Allah, avec les véridiques, avec les martyrs demain. Et nous tous, on va être en enfer. C'est comme ça on lui a dit. Pourquoi? Parce que elle, Meskina, elle n'a pas de science. Elle, Meskina, elle n'a jamais étudié la charia. Elle, Meskina, c'est pas de sa faute. Elle a ouvert le paltok, elle s'est trouvée dans la salle des takfirs. Alors, n'ayons pas de préjugés, elle a cru que c'est ça l'islam. Elle n'est pas allée, même comparée, elle n'est pas venue assister, elle n'a pas écouté ceci d'une part et de l'autre. Elle a écouté d'un seul côté, elle a dit, Khlas, ce qu'on m'a appris, c'est ça. On lui a dit, c'est ça l'islam. Il ne faut pas entendre d'autres. Tout ce que disent les autres, c'est faux. C'est seul nous qui avons le chèque, un chèque barré, c'est écrit directement au paradis. Directement au paradis. Non. Donc pour cette sœur, il faut faire quoi? Il faut faire des doigts. Ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup qui ont le virus. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Faites-lui des doigts dans la salat pour que Allah ta'ala la guérisse. Et surtout, surtout, surtout, quoi? Surtout ne passez pas votre temps dans des choses pareilles. Non. Avancez, apprenez, avancez dans le dîn et laissez-les traîner, laissez-les parler dans le vide, laissez-les patiner jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala et ils fassent d'eux, comme a dit le hadith, des chiens de l'enfer. Faites d'Inch'Allah le prochain. Ibn al-Qayyim, vous m'entendez? Non. La sœur a dit, Oumarim, je vois que vous l'avez bouncée. De préférence, il fallait la laisser. Non, il fallait la laisser, sauf bien sûr si elle fait des machakil, si elle fait des problèmes aux gens, il vaut mieux la bouncer pour ne pas les leur faire des problèmes. Sinon, il fallait la laisser. Elle vient mettre en garde contre vous. Dans... Taïb. Fadlan Inch'Allah le suivant. Aïssa 84. Faites-lui des doigts quand vous êtes dans la prière. Salam alaikum, cher. Je voulais savoir concernant la sourate El-Mulk, il est dit qu'elle protège du supplice de la tombe. Je voudrais des détails. Entre parenthèses, il faut l'apprendre par cœur, la lire régulièrement ou la connaître ainsi que son tafsir. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que le Coran était quoi? Était un argument pour toi ou contre toi. Il est un argument pour nous, quand quoi? Quand on connaît son sens et on l'applique. Il est contre nous, même si on l'apprend et on l'applique pas. Même en l'apprenant, si on l'applique pas, il devient contre nous. Non, la personne qui lit Sourate Al-Mulk et qui a compris ce qu'il y a à l'intérieur, non, comprend le sens et applique ce qu'elle peut d'elle, celle-là, la personne, peut être sauvée, comme dans le hadith authentique, du supplice de la tombe. Mais si quelqu'un lit Sourate Al-Mulk et qu'elle contient quelques commandements, par exemple, et qu'il fait exactement le contraire de ce qu'il y a, celui-là, la sourate ne peut pas le sauver, car le Coran est devenu un argument contre lui. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tfaddal, suivant. Younes, Sad, c'est à votre tour, Inch'Allah, je vous ai retiré leur aide. Salam alaikum, Shir, Barakallahu fik, de revenir sur ce point. Est-ce qu'on peut dire qu'Allah a un corps qui lui convient, que ses entités ne sont pas limitées? Si oui, pourrais-je avoir la preuve pour une sœur? Qu'Allah Ta'ala vous récompense pour votre patience. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je ne sais pas, naam, qu'est-ce qu'elle veut dire par corps. Il faudrait d'abord connaître le mot en arabe. Si elle veut dire jism, naam, cette chose ou ce mot n'est pas connu par le salaf. Les salafs, je n'ai jamais lu un livre où quelqu'un a dit qu'Allah Ta'ala avait un jism. Astaghfirullah. Si elle veut dire that, comme ça le mot that en arabe, le messager d'Allah alayhi salam a dit que Ibrahim avait menti trois fois dans that illah. Et tous les salafs, quand ils parlent, ils disent de that illah. Ils disent que Allah Ta'ala, c'est lui qui descend avec sa that, son entité, son essence. Naam. Donc reste à savoir qu'est-ce qu'elle veut dire par corps. Si elle veut dire en arabe jism, ça n'existe pas. Si elle veut dire that, beaucoup de salafs l'ont permis, surtout quand il s'agit de contrer qui? De contrer les innovateurs. Les innovateurs dans la aqida et les sectes égarées. Quant à la deuxième question, naam, les attributs d'Allah Azza wa Jal, naam, sont, comment qu'elle a dit elle, elles sont illimitées. Naam, les attributs d'Allah Azza wa Jal sont illimités. Naam. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que chaque nom a un attribut, et pas le contraire. Chaque nom a un attribut. C'est pour ça, de chaque nom, on peut quoi? On peut prendre un attribut, mais on ne peut pas prendre de chaque attribut un nom. Pourquoi? Les attributs sont beaucoup plus étendus que les noms. Naam. Non, on ne dit pas il a un corps. On ne dit pas. Naam. Si en arabe on dit that ou that, mais si en français le corps donne jism, on ne dit pas. On ne dit pas il a un corps. On dit il a une essence. Il a une entité qui lui convient. Comme ça disent les salafs. Il a une essence qui lui convient, pas un corps. Fadlan, Inch'Allah, le prochain. Abu Abdurrahman, c'est à votre tour, Inch'Allah. Abu Abdurrahman, vous voulez le micro, Inch'Allah, ou écrire votre question? Inch'Allah, Medine 84, si votre question est prête, écrivez-la en attendant que le frère Abou Abdarrahman il nous transmette sa question. Barakallahu fikoum. Medine 84. Attends, il va me la priver peut-être. Envoyez-la moi en privé, Medine 84. Oum Ubaidallah, salamu alaykoum Sheikhana. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, est-ce qu'il est autorisé de demander la mort dans ses du'as, par exemple? Est-ce qu'une personne qui est malade a le droit de demander à Allah qu'il prenne son âme? Jazakallahu khairan. Ya Sheikh, je voulais rajouter qu'il y a même des vidéos qui montrent des personnes qui ont subi le châtiment de la tombe, qui sont complètement déformées, brûlées, etc. Qu'Allah nous pardonne d'avoir douté sur le fait que ce soit faux quand on était ignorant. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, c'est vrai ce que dit cette sœur. Ça me rappelle que de temps en temps on montre des gens défigurés, des gens comme ça brûlés, calcinés, des gens qui sont devenus comme des monstres, etc. On dit cela, on les a trouvés comme ça dans leur tombe après avoir ouvert la tombe, etc. Tout cela, inshallah ta'ala, ça on donne le domaine du rêve. Tout cela, ce n'est pas vrai. Et il ne faut pas y croire. Non, il ne faut pas y croire. Il y a qui? Il y a Pharaon. Il y a plus que Pharaon. Vous connaissez Pharaon? Il y a plus que Pharaon. Il n'y a pas plus que lui. Jusqu'à maintenant, moi personnellement, j'ai sa photo. J'ai sa photo. Non, normal. Il est normal au musée de Paris ou là, je sais pas où il est. Normal, les bras croisés, presque souriant. Alors, Pharaon. Qui c'est le plus grand tyran du monde. Donc tout ce qu'on vous dit, tout cela, ce n'est pas vrai. Ça rentre, comme je disais, dans le domaine de l'invisible. En ce qui concerne la mort, quand on est malade, etc., il est interdit, et ce n'est pas permis, de demander la mort, surtout quand on a mal ou là on est malade, etc. D'ailleurs, le hadith est clair, le messager d'Allah a dit qu'il était interdit de demander la mort quand quelqu'un a un mal ou là, un malheur ou quelque chose comme ça. Mais, comme a dit le messager d'Allah, on demande à Allah Azzawajal de nous prendre si la mort est mieux pour nous et de nous faire vivre si la vie est mieux pour nous. C'est-à-dire, on ne demande pas à Allah de nous faire mourir, mais on lui demande de choisir. On lui dit de, si la mort est mieux pour nous, de nous faire mourir. Mais si la vie est mieux pour nous, c'est de nous faire vivre, de nous faire vivre. C'est comme ça qu'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car la mort, ce n'est pas toujours bien pour nous. Des fois, la vie, c'est mieux pour nous. On va faire la tawba, on va faire on va faire beaucoup de bonnes œuvres, etc. Non, mais si on meurt comme ça, peut-être qu'on n'est pas pris. Non. Et des fois, c'est le contraire. Des fois, si on meurt, c'est mieux. Non. Car si on va vivre encore, on va tomber dans des fitnas, on va tomber dans les grands péchés, peut-être on va tomber dans la mécréance. Et puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, alors on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que c'est lui qui choisit. Allah azza wa jalla a'lam. Tafadhal. D'accord, ça c'est vrai. Subhanallah, jazakallah. Alors, si vous pouvez, cheikh, faites des doigts pour les malades. Et maintenant, j'ai la question de Médine 84. Salamu alaykoum, cheikh. Je voudrais savoir pour les enfants en bas âge, autant pour les enfants de musulmans que les enfants des koufars, vont-ils en enfer ou au paradis? Comment Allah jugera-t-il ces âmes, surtout celles des koufars? C'est la question de Médine 84. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Oum Ubaydillah me demande de faire des doigts. Oum Ubaydillah me demande de faire des doigts pour qui? Pour les malades. Naam. Vous aussi, Inch'Allah Ta'ala, n'oubliez pas de faire des doigts pour le malade. Naam. Surtout quand quelqu'un est prosterné. Car on n'est jamais plus proche d'Allah Azzawajal que lorsqu'on est prosterné, comme a dit le messager d'Allah. Donc quand on est prosterné, faites beaucoup de doigts et surtout aux malades. Alors moi je dis, Allah l'Azim, Rabbal Ash l'Azim, Nishfiya Jami al-Mu'minin. En ce qui concerne les enfants qui meurent à bas âge, Ahl Sunna ou Jama'a, les gens de la Sunna et du consensus, se basent sur un hadith authentique qui se trouve dans Sahih al-Jama' de Sheikh al-Albani. Qui dit quoi? Qui dit que les enfants des kuffars sont au paradis. Mieux encore, dans un autre hadith, toujours de Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, rahimahullah, il dit les enfants des kuffars sont les serviteurs des gens du paradis. Sont les serviteurs des gens du paradis. Mieux encore, dans Sahih al-Bukhari, le messager d'Allah, quand on lui a posé la question sur les enfants qui meurent à bas âge, avant la puberté, il a dit qu'ils étaient dans le paradis. Et on a posé la question sur les mouchrikines aussi, il a dit qu'ils étaient dans le paradis. Donc tous les hadiths, Inch'Allah Ta'ala, se rassemblent et se ressemblent aussi pour dire que celui qui meurt en bas âge, même s'il est, il a des parents koufars, il sera au paradis. D'ailleurs, même la logique le veut. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas pubère, il n'a aucun quoi, aucun, il n'a fait aucun péché. Il n'a rien inscrit contre lui. Celui qui n'est pas pubère, il n'inscrit rien contre lui jusqu'au jour où il devient pubère, comme a dit le messager d'Allah, Rufi'a al-qalam 'an thalath. Il a dit que la plume était levée sur trois. Entre autres, il a cité à l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère. Donc, soyez, inshallah ta'ala, rassurés que les enfants, qu'ils soient des kuffar ou pas, seront au paradis, inshallah ta'ala. Le frère a dit Barakallahu fik Cheikh. Et le frère Ibn al-Qayyim, il s'excuse d'avoir bouncé Mariam par erreur, parce qu'il y a eu une confusion et il pensait que c'était une autre personne. Wallahu alam. La prochaine question, c'est Férouz. C'est votre tour, Inch'Allah. Vous avez envoyé votre question, mais elle n'apparaît pas. C'est parce qu'il faut la couper ou me l'envoyer en privé. Barakallahu fikoum. Voilà, elle est arrivée en privé. Barakallahu fikoum. Salamu alaykoum wa rahmatullah, Cheikh. Qu'Allah vous récompense pour le bien que vous nous apportez. Amin. Ma question. Allah inscrit pour nous quatre choses dans le ventre de nos mères. Donc, si on va être heureux ou malheureux, si on va au paradis ou en enfer, est-ce qu'une personne peut être inscrite parmi les gens malheureux dans ce bas monde et être inscrit parmi les gens du paradis? Allah ijazik ya Sheikh, faites des doigts pour ma famille, Inch'Allah. Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. J'attire juste l'attention sur une chose banale, et c'est dans la loura, dans la langue. Attendez qui, je monte un peu en arrière. C'est le frère Midin 84. Hein, vous voyez, avec moi, il a écrit Barakallahu Fiki. En fait, Barakallahu Fiki, ça se dit à une femme. On lui dit Barakallahu Fiki. D'ailleurs, on ne dit même pas le i, on dit Barakallahu Fik. Hein, parce qu'en arabe, on n'arrête pas sur la dernière lettre. Je dis à Médine, le frère Médine, que je suis un frère. Non, je suis un frère. Que Inch'Allah ta'ala, un homme, on lui dit Barakallahu Fik. Et la sœur, on lui dit Fik. Mais il n'y a pas de problème, Inch'Allah ta'ala, c'était juste pour que vous compreniez la différence entre Fik et Fiki. D'ailleurs, en ce qui concerne la question de la sœur sur les quatre choses que l'ange écrit, en fait, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire heureux et malheureux? Si veut dire malheureux dans le sens de yani pauvre, etc., et des problèmes, etc., cela n'empêche pas qu'il aille au paradis. D'ailleurs, là, le paradis, il sera beaucoup plus yani chargé, il contiendra beaucoup plus de pauvres que de riches. Le paradis contiendra beaucoup plus de quoi? De pauvres que de riches. D'ailleurs, dans le hadith authentique, que le pauvre entrera 500 années au paradis avant le riche. Le pauvre entrera 500 années au paradis avant le riche. Mais si malheureux, c'est dans le sens de malheureux, yani dans le din, alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera privé du paradis. Il faut voir le sens du hadith. Il faut voir que veut dire ici le message de là. Est-ce qu'il veut dire malheureux dans le dîn ou dans les épreuves de cette vie? Je pense, Allah Ta'ala alam, que c'est dans les épreuves. Car pour qu'il n'y ait pas répétition, ensuite il a dit, on écrit aussi s'il sera au paradis ou en enfer. Donc si c'était malheureux, ça veut dire que malheureux dans le dîn, donc automatiquement il sera en enfer. Je vois pas pourquoi il va dire on va écrire s'il sera dans le paradis ou pas. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadhal inshallah suivant. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'en est-il de la jeune femme adulte morte sans avoir jamais été mariée, vierge? Est-elle considérée comme les enfants morts avant leur puberté? Barakallahu fik. C'est la question de Oussama 83. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc je reviens aussi à la sœur Firouz qui a dit que non, non, pas dans le dîn, non, pas dans le dîn, donc c'est dans les épreuves, etc. Donc ce n'est pas, non, ça se contredit pas avec le fait que on peut vivre ici très éprouvé et très malheureux, pauvre, etc., et être le premier à rentrer dans le paradis. Je dirais mieux encore, plus il y a d'épreuves, plus il y a des épreuves et des tests, plus c'est un dalil que notre foi est bien. Car le messager d'Allah a dit que ceux qui subissent les plus grandes épreuves, ce sont d'abord les messagers. Ensuite, il a dit les pieux et les pieux, et comme ça, et on descend jusqu'à ceux qui sont faibles de foi. Naam. Quant à la sœur Oussama 83, qui a dit, faut-il considérer la femme qui est morte sans être mariée comme les enfants des morts avant leur puberté? La réponse, non, bi'idhnillahi ta'ala. La jeune fille, dès qu'elle devient pubère, toute personne, dès qu'elle devient pubère, classe, cela dépend maintenant de ses actions. Si elle a fait de bonnes actions, c'est le paradis. Si elle a fait seulement de mauvaises, c'est l'enfer. Si elle a fait les deux, c'est la balance. C'est la balance entre les deux. Et bien sûr, même si elle fait seulement de mauvaises, Allah Ta'ala peut lui pardonner s'il veut. L'essentiel, c'est que elle le rencontre croyante et musulmane et n'ayant pas fait le grand shirk, comme c'est dans yani, la charia du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Reste à dire que toute femme qui ne s'est pas mariée, mais qui n'a pas eu de mari, ou qui n'a pas trouvé de mari, Allah Azzawajal lui donnera quoi? La grande récompense d'avoir et d'être restée chaste, d'avoir patienté pendant toutes ces années, devant toutes ces fitnas, et d'être restée chaste. Pour cela, elle méritera, inshallah ta'ala, une grande récompense chez Allah Azzawajal. Ensuite, sachez que, autre chose, aucune femme ne sera sans mari dans le paradis. Comme a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la aziba fil jannah, authentifié par Sheikh Al-Albani. Allah yirhamou. Le messager d'Allah a dit, il n'y a pas de célibataire dans le paradis. Elle ne s'est pas mariée ici, Allah Ta'ala la mariera dans le paradis. Tfadhal, inshallah, le prochain. Ibrahim 8. Salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu. Bismillah wa salat wa salam ala rasulillah. Hayakallah ya Sheikh. Pouvez-vous nous donner plus de précisions concernant les mots al-wasitiya et naqash? Barakallahu fik, qu'Allah vous récompense. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Si Ibrahim veut dire par loi Sitiya, le livre qu'on est en train d'expliquer, l'Aqida loi Sitiya, est-ce qu'elle veut dire, yani, c'est ça ce qu'elle veut dire. Naam, elle a dit Naam. Loi Sitiya, c'est une ville très connue en Irak, qui s'appelle Wasit. Naam, alors les gens de cette ville sont allés chez Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Lui ont dit, il y a tellement de divergences chez nous, etc., dans la Aqida, qu'on voudrait que tu nous écrives un livre qui va nous rassembler. Il a écrit un livre et il l'a appelé, ou bien les gens l'ont appelé, Al-Wasitiya, parce qu'il a été envoyé à Wasit, comme on dit, par exemple, Parisien, le livre Parisien qui a été envoyé à Paris, et comme ça. C'est pour ça il a beaucoup de livres. Il a Tadmouria, qui revient à Tadmour. Il a le Marrakechia qui revient à Marrakech, au Maroc. Et il a beaucoup, beaucoup yani, d'autres livres qui reviennent comme ça aux villes. Quant au mot, le deuxième mot que tu as demandé, Naqash, Naqash, je n'ai pas compris que ça veut dire Naqash. Non, je n'ai pas compris qu'est-ce que tu veux dire par ce mot. Salam alaykoum, Ibrahim. Est-ce que vous avez voulu dire naqash ou niqash? Naqash ou niqash? Donc votre mot c'est naqash. Le cheikh il a dit que Salam alaykoum, cheikh. Vous avez fini avec cette question, Inch'Allah, ou je vous lis la prochaine question. Quelle est la signification du mot naqash? Salam wa barakatuh. Je crois que, comme a dit Ibn Qayyim, c'est niqash. Le niqash, en arabe, c'est le débat. On dit il y a eu un débat entre X et Y, entre Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, et l'autre. Il y a eu un niqash, ça veut dire un débat, une confrontation. Naam. Voilà, Inch'Allah ta'ala. On passe au prochain. Il est le 14, Inch'Allah. Juste avant vous, il y avait le frère Abou Abderrahman tout à l'heure et j'ai reçu sa question. Donc je lis sa question, Inch'Allah, et ensuite c'est la vôtre. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Sheikh. Allahumma salli ala nabi Mohammed el-Amin el-Mustafa. Ma femme dit, lors d'un lavage mortuaire avec des sœurs, elles se sont rendues compte à la fin du lavage qu'il restait un morceau de scotch transparent sur le dos du défunt. En faisant ijtihad, elles ont refait un rousl. Ma question est, est-ce que ces sœurs ont jugé juste? Que dit la religion à ce sujet? Pouvez-vous nous faire un cours sur le lavage des morts, s'il vous plaît, en nous précisant les actes obligatoires, les actes interdits? Car je me trouve en France et ce n'est pas un sujet qu'on aborde. Et on n'a aucune science dans ce domaine. Alors que le lavage mortuaire est important, et à ma connaissance, c'est une sunna, Allahu alam. On a appris que cette sœur était victime d'un tremblement de terre en Algérie. À la fin de son lavage, on l'a mise dans le cercueil, et celui-ci s'est mis à sourire aux éclats. Peut-on dire qu'elle est morte, shahida, inshallah, et que son âme est revenue une fois dans le cercueil après le lavage. Alors que vous avez dit que l'âme revenait une fois dans la tombe, selon le hadith, si je vous ai bien compris. Comment peut-on expliquer ce sourire qui n'était pas durant le lavage, une fois dans le cercueil? Pouvez-vous nous dire comment l'âme et peut-on, comment est l'âme? Pouvez-vous nous dire comment est l'âme et peut-on se l'imaginer? Y a-t-il des hadiths sur la description de l'âme? Jazakallahu khairan, Sheikh. Qu'Allah vous rajoute de la science et vous préserve ainsi que votre famille. Amine. Et je vous demanderai une faveur de me faire des duas. Jazakallahu khairan. Salamu alaykum. C'était la question de Abu Abderrahman. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخانا أبو عبد الرحمن en ce qui concerne le scotch etc je n'ai pas bien compris mais s'ils ont découvert après avoir terminé le rose par exemple ils ont découvert qu'il y avait par exemple une partie sur le dos où il y avait le scotch et ils ont décidé de lui refaire un autre rose ce n'est pas interdit même qu'il y ait du scotch ou qu'il n'y ait pas qu'on ajoute un autre rosque, ce n'est pas interdit. Surtout si ça tombe impair. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Tout cela n'est pas interdit. Que ce soit à cause du scotch ou sans le scotch. Mais s'il y avait le scotch et il prenait une grande partie, que maintenant l'eau n'a pas touché cette partie du corps, et qu'on lui fasse un autre rosque, c'est Inch'Allah Ta'ala bien. Vous avez bien fait. En ce qui concerne comment on lave un mort, non, il faudrait Inch'Allah Ta'ala revenir. Au livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah, l'Ahkam al-Janaiz, les règles de la Janaza, où il a cité tout cela en détail. Mais je pourrais dire comme ça très vite, en résumant, que on lave le mort de la même manière qu'on se lave nous de la Janaba. Quand quelqu'un a eu la Janaba, qu'il voudrait. Non, et qu'il voudrait maintenant enlever la djanaba, commence par les parties intimes. Non. Ensuite, yani, c'est tout le corps. Mais il y a la façon un peu dans le fait de l'asseoir et dans le fait de le retourner, comme ça, comment faire cela. Non. Ça a besoin d'un peu de détails. Mais en règle générale, c'est comme la djanaba, sauf qu'on ajoute, on fait le rost 1, 3, 5, 7 fois, jusqu'à ce qu'on soit sûr que, yani, maintenant, il n'est plus sale, etc. Et le dernier rosque, on lui met du kafour ou un peu de musc pour qu'il sente bien bien l'azawajal. Quant à la personne qui a souri, nam, qui après la mort a souri, nam, ça a été rapporté par plusieurs gens. Plusieurs gens ont dit que on a vu comme ça des morts qui apparaissaient souriants, etc. Ce sont la plupart des gens qui, lorsqu'avant de mourir, qui lorsqu'ils ont vu yani, les beaux anges, etc., venir, ils ont senti l'odeur, etc. Et ils ont commencé, ils sont tellement contents, ils ont commencé à sourire. Ensuite, l'ange de la mort a pris comme ça, a pris l'âme, et l'autre n'avait pas terminé de sourire. Et le sourire est resté comme ça, et il va rester comme ça, bien sûr, jusqu'au jour dernier, parce que ça ne change plus. Ça va, comme la personne meurt, elle va rester comme ça. Non, en ce qui concerne, il avait dit autre chose. Non. En ce qui concerne l'âme, l'âme, c'est comme a dit Allah Azza wa Jal, Non, personne ne sait c'est quoi l'âme exactement, comment qu'elle est faite, où elle se trouve, comment qu'elle est rentrée dans le corps, comment qu'elle sort, toutes ces choses-là, Allah Azza wa Jal les a laissées uniquement dans son savoir. Personne ne peut savoir ces choses ni les comprendre. Ça reste dans le domaine de l'invisible. Tu crois qu'il y a une âme qui est entre nos flancs et qui demain va sortir, une âme, et qui ensuite va revenir, subhanallah, c'est seulement de la croyance, sans jamais l'avoir vu, sans jamais l'avoir vu. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, tafadhal. C'est la question de Hillel 1406. Salam alaykoum, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Je voudrais savoir quelle signification a le sel dans la sunna. Est-ce positif ou négatif? Car je voudrais connaître l'interprétation d'un rêve, mais je ne veux pas raconter mon rêve en public. En fait, le frère, il m'a expliqué en privé que dans son rêve, il se voyait en train de manipuler du sel. Et il aimerait savoir est-ce que ça existe dans la sunna. Et est-ce que c'est une chose positive ou négative? Salam alaikum, cher. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je dis à Hilal que je vais bien, alhamdoulillah, et que j'espère que toi aussi tu vas bien, bidna subhanahu wa ta'ala. Je dis aussi que je ne sais pas exactement ce qu'est le sel. Non, je ne sais pas exactement ce qu'est le sel, non, dans les rêves. Mais je dis en général que le sel, c'est quelque chose dont on a beaucoup besoin. Le sel, quand il manque le sel dans le pain ou là dans la soupe ou là, il vaudrait mieux peut-être la jeter. C'est pour ça que c'est une chose importante dans la vie de tous les gens, pas seulement des croyants, mais de tous les gens. Et je dis aussi autre chose, que en général, quand on fait un rêve, on voit. Si on a ressenti, on a ressenti du chagrin, de la tristesse, des choses pareilles, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme dans la sunna. On crache sur le côté gauche, l'épaule gauche, on demande à l'Azolus d'éloigner de nous cette chose, et on la raconte à personne. Et maintenant, si jamais on s'est senti heureux, en faisant ce rêve, etc., on peut demander aux savants, seulement aux savants, ou bien à des gens intimes qui ne sont pas envieux, qui ne sont pas sadoun. On leur dit est-ce qu'ils connaissent que veut dire ce rêve, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'appliquer bi'idhnillahi subhanahu azza wa jal. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. Naam. Et la personne qui m'a demandé de faire des doigts pour sa maladie, j'en ferai inshallah ta'ala bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Fiki barakallah. Tafadhal suivant. Abou Selma 2, c'est à votre tour. C'est fait. Vous avez écrit votre question, mais elle n'apparaît pas dans le salon. Allahu alam. Mettez-la en morceaux, Inch'Allah, et la moi en privé. En attendant, Seyfeddin 1, Inch'Allah, en attendant. Barakallahu fik. Salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Hayakum Allah. Cheikhouna, est-ce que si on a les anges de la tombe qui nous posent les questions et que l'on y répond bien, on est tranquille pour toutes les autres étapes qui sont la balance et le poncérat? Et on vient de me demander sur l'interprétation d'un rêve d'une perte d'une dent de devant. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Si on a bien répondu aux trois questions de la tombe, ça veut dire que alhamdoulillah. Yani ce qui nous attend en haut, c'est mashallah. Ce qui nous attend en haut, c'est mashallah. Naam. Mais ça ne veut pas dire qu'en haut, on va se rappeler ça. On va oublier, on va commencer à zéro. La grande peur, la souffrance, la sueur, etc. etc. Allah Azza wa Jal nous sauvera une deuxième fois, bi'idhnillahi azza wa jal. En ce qui concerne l'interprétation du rêve où quelqu'un a perdu une dent, les dents de devant, je dis bi'idhnillahi azza wa jal à cette personne d'effacer, naam, d'effacer ce rêve bi'idhnillahi azza wa jal et de l'oublier, naam, et pour le rassurer cette personne, je lui dis que moi, plusieurs fois, pas seulement une fois, plusieurs fois, il m'arrive de rêver comme ça, que je suis en train de perdre des dents et de l'avant aussi. Des fois, je passe toute la nuit avec une dent dans le rêve. Toute la nuit jusqu'au matin. Et alhamdoulilah, je n'ai jamais demandé c'est quoi. J'efface, rien ne m'est arrivé. Peut-être même que essayer de l'interpréter dans le bon sens, que ce sont des problèmes qui vont s'enlever. Bi'idhnillah azza wa jal. Mais Allah wa alam, j'ai dit de ma tête. Hein. J'ai passé beaucoup de rêves avec les dents qui s'enlèvent. D'ailleurs, même les vieilles, quand elles parlent, elles disent « Alhamdoulilah, X a enlevé une dent. » Ça veut dire qu'il a enlevé un problème. Wallah, subhanahu wa ta'ala, alam, tfaddal celui. Salam alaykoum, Cheikh. J'ai une question à propos de la salat. Est-ce qu'on la considère comme une question de aqida ou pas? Quelqu'un qui a fait la prière, il a fait une erreur dans la prière. Est-ce qu'on l'apprend ou pas, Cheikh, ce soir? Non. Ma khair, Inch'Allah. Abou Salman, Inch'Allah, votre question, comme elle ne. C'est pas une question sur la Aqidah, Inch'Allah, revenez au prochain cours. Barakallahu fikoum. Barakallahu fikoum, les autres, de poser des questions sur la Aqidah seulement. Chemin des salafs. Inch'Allah, si vous avez votre question. Ou la personne qui vient après Abou Selma. La personne qui vient après Abou Selma. Salam alaikum Cheikh, qu'Allah vous récompense. Pour une sœur demande si elle peut habiter loin de ses parents car elle est divorcée. Et pour sa fille, est-ce qu'elle a le droit? Est-ce qu'elle donne la garde à son père musulman? Mais il ne suit pas le minhaj. À vous le micro, Cheikh. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Marwan, Abu Marwan ou l'Abdul Qayyim. Si on ne répond pas à la personne qui a demandé la question sur la salat, naam. Normalement, on répond pas aussi à chemin des salafs qui a posé la question sur quoi? Sur le divorce, etc. etc. Naam. C'est pour ça que moi tout à l'heure j'avais demandé le micro pour dire que la personne qui a posé la question ou qui veut poser la question sur la salat. Je lui réponds. Pourquoi? Parce que la salat, c'est un pilier, c'est tellement les gens yani, ont besoin de la salat, ils la font yani, 5 fois par jour, etc. Et tellement ça compte chez Allah Azza wa Jal, tellement ça a de l'importance que je voudrais répondre. J'ai peur que la personne yani, ne fasse la salat faux. Ensuite, yani, c'est vraiment grave. C'est pour ça que naam, je réponds à chemin des salaf et on revient à la personne qui prépare la question sur sa salat. Taïb, elle dit, elle est divorcée pour sa fille, est-ce qu'elle doit donner la garde à son père musulman? Mais je ne suis pas le minhaj. Naam, l'enfant en principe en islam, le garde qui? Celui des deux parents, normalement c'est la mère. Naam, ensuite celui des deux parents qui a le plus de din. Naam. Si l'homme, par exemple, le mari ne fait pas la prière, il n'a pas le droit de garder. Si le mari, par exemple, c'est quelqu'un qui boit de l'alcool, etc., c'est naam, la l'épouse qui doit le garder. Si c'est le contraire, si c'est la mère qui boit de l'alcool, etc., et fume la cigarette et elle n'est pas bien dans le dîne, c'est le père qui doit le garder. Ensuite, on voit celui qui est le plus dans le dîne. Naam. Si quelqu'un, le père, ne suit pas le minhaj, mais il n'est pas contre le minhaj, il ne le suit pas, mais il n'est pas contre, c'est quelqu'un de bien éduqué, quelqu'un qui yani, insiste pour que son fils soit bien éduqué, c'est quelqu'un, ce n'est pas interdit qu'il garde son fils. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal le prochain. Donc, Cheikh, ça sera la question de Abu Selma 2, la question à propos de la salat. Salamu alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense, Cheikh, et vous illumine. Amin. Pendant la salat de l'Maghreb, l'imam a failli faire 4 rakat. Donc, tout le monde a dit Subhanallah. Et l'imam s'est assis et a fait le taslim, puis le sujoud de la distraction. Comme j'avais manqué la première rakat, je les ai rattrapés après le taslim de l'imam. Ma question est, aurais-je dû faire le soujou de la distraction moi aussi? Barakallahu fikum. La plupart des savants disent que, naam, quand on rentre avec l'imam et que l'imam a un problème de comment ça s'appelle, soujou de distraction, la plupart des savants disent que, même si c'est un soujou de distraction qui est après la salat, ils ont dit quoi? Ils ont dit, on se lève, on termine la salat, notre salat qui nous manque, et ensuite, on fait salam alaikum, et on fait un soujou. Et on fait un soujou de distraction. Sauf Cheikh Ibn Uthaymin, il dit dans ses livres que la personne qui est rentrée avec l'imam, mais qui n'a pas participé, qui n'était pas présente au moment où l'imam a fait sa distraction. Jibril dit, la personne qui rentre avec l'imam, mais qui n'était pas présente lorsque l'imam a fait une distraction, a été distrait, il a dit, il n'est pas obligé de faire le sujoud. Il n'est pas obligé de faire le sujoud avec lui. Allah Azza wa Jal alam. Tfadal suivant. Donc là, c'est la question de Oum, les jumeaux. Salamu alaikum, Cheikh. Un instant. Cheikh, je vous aime en Allah. Quelle est la définition de l'Iman? Wa alaikum salam wa rahmatullah azza wa jal. Qu'Allah azza wa jal t'aime comme tu m'as aimé en lui. La définition de l'Iman, naam, yani, chez Al-Sunnah al-Jama'a, chez Al-Sunnah al-Jama'a, c'est quoi? C'est ce qu'on atteste dans le cœur et ce qu'on dit avec la langue et ce qu'on fait ensuite avec yani, le corps et les mains et les yeux, les oreilles, les jambes et tout ça. Non. Pourquoi? Pour sortir des sectes, pour se différencier des sectes égarées qui disent, par exemple, comme les Jahmites, qui disent que l'Iman, c'est seulement yani, connaître Allah Ta'ala, ou bien les Ash'arites qui disent l'Iman c'est seulement croire en Allah Ta'ala dans le cœur, naam. Ou bien par exemple les Karamiyya qui disent que l'Islam, l'Iman c'est seulement quand on prononce, on dit Shadou la ilaha illallah, Shadou Muhammad Rasulullah, naam. Ou bien les Murji'a qui disent l'Iman c'est seulement ce qu'il y a dans le cœur et dans la langue, mais Al-Sunnah al-Jama'a disent ce qu'il y a dans le cœur, sur la langue et ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est-à-dire les œuvres, et ils ajoutent une chose, une autre chose, pour se différencier de qui? De l'Khawarij. Pour se différencier de l'Khawarij qui disent quoi aussi? Qui disent que l'Iman, c'est ce qu'il y a dans le cœur, la langue, et ce qu'on fait avec le corps. Qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute. Et il grandit et il rétrécit. Il grandit et il devient petit. Les autres, ils disent, il ne bouge pas. Il est toujours le même. Nous, pour se différencier des Khawarij, naam, on dit quoi? On dit qu'il grandit et il rétrécit. Naam. Pouvez-vous citer les piliers de l'Iman? C'est comme dans le hadith. Tu'mina billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كم أسيتي المساجد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم تفضل إن شاء الله للسويف. بارك الله فيكم شيخ. La question suivante, Abu Asya 10. Je crois que c'est à votre tour, Inch'Allah. Salam alaikum, mes frères et sœurs. Cheikh, qu'Allah vous récompense. Est-ce qu'on peut répondre aux personnes qui disent Qu'est-ce qu'on peut répondre aux personnes qui disent que diviser le tawhid en plusieurs catégories est une bid'a? Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. On dit aux personnes qui disent que quand on divise le tawhid en plusieurs catégories, c'est une bid'a, que celui qui dit ça, c'est lui-même l'innovateur. Celui qui dit que diviser le tawhid en plusieurs catégories rentre dans la bid'a, on lui dit, eh ben toi-même, tu es le plus grand innovateur qu'on puisse connaître. Pourquoi? Parce que Al-Sunnah al-Jama'a, quand ils ont divisé le tawhid en plusieurs groupes, naam, ce n'est pas eux qui l'ont divisé. Mais c'est l'islam lui-même, c'est le Coran lui-même qui a divisé le tawhid. Naam, quand Allah Ta'ala a dit, رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Regardez Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a au milieu. Donc, le tawhid de la seigneurie. Le Seigneur de la terre, des cieux et de ce qu'il y a entre le milieu. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Fa'budhu. Adore-le et patiente dans son adoration. Donc, le tawhid de quoi ici? Le tawhid de la divinité. Il a demandé de l'adorer. Hal ta'lamu lahu samiya? Est-ce que tu connais quelqu'un qui lui est égal? Donc, il ne lui est pas égal. Donc, Allah Ta'ala, c'est le plus haut, c'est le plus beau, c'est le plus grand, c'est le plus. Donc, c'est le tawhid de quoi? Des noms et des attributs. Le tawhid des noms et des attributs. Donc, celui-là, qui a dit on ne peut pas le diviser, on lui dit, on va lui dire, toi vraiment, tu es très très loin du din. Vraiment, vraiment, il faut que tu commences à zéro à prendre ton din. Atfadla, Inch'Allah, le prochain. Ensuite, je profite vite. Je profite vite, Inch'Allah Ta'ala, pour faire un petit rappel. Pour dire que n'oubliez pas, Inch'Allah Ta'ala, que nous sommes aujourd'hui le premier, quoi, enfin, le premier Dhul Hijjah. C'est-à-dire, nous sommes dans les 10 premiers jours, naam, pour ceux qui veulent, Inch'Allah Ta'ala, commencer par exemple à jeûner. Ceux qui veulent jeûner, ce n'est pas obligatoire, bien sûr. C'est juste quelque chose de conseillé. Celui qui peut, par exemple, et qui veut aussi jeûner les 10 jours, d'ici jusqu'à le dernier jour qui est avant l'Aïd, le 9e. Hein? Et alors celui qui ne va pas jeûner, au moins qu'il essaye, Inch'Allah Ta'ala, de jeûner le jour où les hajis seront sur Arafat. Le jour, le 9e, quand ils seront sur Arafat. Hein? C'est, ça enlève, ça annule 2 ans de péché. Comme a dit le messager d'Allah. 2 ans de péché annulés pour celui qui fait le jeûne de Arafat. Arafat ou Arafat, c'est la même chose. N'oubliez pas de jeûner ce jour-là. Et pour les sœurs et les femmes qui ont des empêchements, n'oubliez pas d'avoir au moins l'intention et de dire dans le cœur que si je n'avais pas, par exemple, l'empêchement des menstrues ou d'autres choses, je l'aurais jeûné. Et Allah Ta'ala va écrire comme si elle l'avait jeûné, d'après ce qu'il y a dans le cœur, bidna azzawajal. Ensuite, ces 10 jours, ne pas oublier aussi, de quoi? Ne pas oublier de faire le maximum, si on peut, de bonnes œuvres. Que ce soit de faire l'aumône, que ce soit d'aller voir la famille, que ce soit de se concilier avec des gens avec qui on a des problèmes, que ce soit de dire de bonnes paroles aux gens, que ça soit de faire beaucoup de dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, subhanallah, Allah akbar, subhanallah, subhanallah, la ilallah, dans la journée, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, et comme ça au maximum. Alors de lire le Coran, d'écouter des doros, c'est comme ça. Car le hadith dit que il n'y a pas chez Allah Ta'ala, yani, comme ces 10 jours pour les bonnes œuvres. Il n'y a pas chez Allah Ta'ala meilleur que ces 10 jours. Je n'oublierai pas de dire aux personnes qui ont l'intention d'égorger, les personnes qui ont acheté ou qui vont acheter le mouton. Hein, je leur dis qu'ils n'oublient pas de ne pas couper leurs ongles, ni de toucher aux cheveux, ni aux poils, jusqu'au jour, inshallah ta'ala, où ils vont ou bien égorger eux-mêmes, ou bien donner à quelqu'un qui égorge le mouton à leur place. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Que Allah azza wa jalla nous aide. Atfadlal, Cheikh. Wa kallahu fik, Cheikh. Cheikh, est-ce que vous me permettez de rajouter un tout petit complément à propos de la personne qui dit qu'on lui demande que c'est une bid'a de diviser le tawhid? Naam. Eh bien, Inch'Allah, akhi, quand la personne elle te dit que c'est une bid'a, pose-lui la question suivante. Dis-lui, apporte-moi un seul verset du Coran. Pas 3, pas 4, pas 25, pas 48. Un seul. Tu lui dis, apporte-moi un seul verset du Coran où Allah Azzawajal, il parle de lui. Mais quand il parle de lui, il ne parle ni de sa création, ni de l'adoration, ni de ses noms et attributs. Il ne pourra pas te ramener un seul verset du Coran qui ne rentre pas dans l'un de ces trois cas. Imma le verset va parler de l'adoration, imma il va parler de la création, imma il va parler de les noms et les attributs. Et ça, c'est ce qu'on appelle la preuve par la lecture. La preuve par la lecture. Salam alaikum. La question suivante, barakallahu fikum. La question suivante, inshallah, ça doit être à accept ou à sepet ou la ou mu asma. Barakallahu fikum, vos questions, inshallah, parce qu'on perd du temps. Donc la question de Oumu Asma, salamu alaikum. Je pose la question d'une sœur, inshallah. Salamu alaikum, Sheikhana. Un proche à moi est mort récemment. Il était malade et avant de mourir, il nous a dit des choses surprenantes. Il nous répétait sans cesse qu'il sentait l'odeur du paradis et que cette odeur était inconnue ici-bas et qu'elle était magnifique. Il nous a demandé si on la sentait, mais seul lui apparemment la sentait. Quelques jours après ces paroles, il est mort écrasé par un semi-remorque. Un semi-remorque, cher, c'est un gros camion. Il a laissé 3 filles chez lui et sa femme enceinte. J'aimerais savoir, est-ce que ce qu'il nous a dit peut être vrai? Est-ce que c'était un signe que sa mort allait arriver ou un signe de son avenir dans l'au-delà? Jazakum Allahu khairan. Salam alaikum, Cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Personnellement, bien sûr, je ne connais pas cette personne, mais il faudrait voir c'est qui, yani cette personne, et c'était quoi. C'était comment sa relation avec Allah Azza wa Jalla, c'était comment sa salat, c'était comment sa piété, c'était comment. Si c'était une personne qui était vraiment pieuse, la salat dans les heures, la salat de la nuit, l'aumône, les jeûnes, etc., et qu'il a dit ça, il est possible qu'il ait ressenti quelque chose. Il est possible qu'il ait ressenti quelque chose. Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, a vu dans le rêve que. Est-ce que vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Naam, je suis là. Est-ce que vous entendez? Vous avez entendu ce que j'ai dit auparavant ou bien vous n'avez pas entendu? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit auparavant sur cette personne ou là vous m'avez pas entendu? Ah, on a le rêve, ça. Naam. Et j'ai dit que auparavant que cette personne, il fallait voir c'est qui. Est-ce que c'est une personne pieuse? C'est une personne connu, qui avait de bonnes relations avec Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Naam. Et que Omar Bukhtab lui-même avait vu dans le rêve un coq en train de le piquer dans le ventre. Naam. De le picorer, si je puis dire. Et subhanallah al-azim, regardez, il a été poignardé dans le ventre 4 ou 5 fois. Subhanallah al-azim. Donc, si j'avais envoyé un coq dans le rêve, en train de nous, yani avec son bec, en train de nous picorer avec son bec, ce n'est pas quelque chose de bien, hein? Ce n'est pas quelque chose de bien. Et pourtant le coq, quand on l'entend, ça veut dire qu'il a vu les anges. Ça veut dire qu'il a vu les anges. Mais ça, quand on l'entend en réalité, et quand on le voit dans le rêve en train de picorer, ce n'est pas quelque chose de bien. Et Mouhim, c'est comme ça que je réponds pour cette personne. Je dis que Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Tfadlal, inshallah, le prochain. Salam alaikum. Qu'Allah vous préserve, Shir, et vous récompense pour tout ce que vous faites. La semaine dernière, je vous ai demandé des conseils sur la sincérité. Et vous m'aviez dit de faire les actes cachés, c'est-à-dire en secret. Mais comment faire, par exemple, pour le jeûne, puisque je dois demander à mon mari l'autorisation? Et pour les sadakats, est-ce qu'il m'est possible de donner des choses que j'ai payées avec mon argent et qui sont à moi, sans que mon mari le sache? Et il arrive aussi que lorsque mon mari travaille, j'apprenne ma religion, Coran, Moutoun, etc. Mais quand mon mari, qu'est-ce que je dois faire? Car mon mari me demande avec précision ce que j'ai appris et lu. Barakallahu fikoum, excusez-moi pour la longueur de la question. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صوت في صوت الحمد لله. Premièrement, pour ce que j'ai dit de faire les choses en secret, je voulais dire par là que c'était l'un des signes de la sincérité. Ce n'est pas toute la sincérité, c'est l'un des signes de la sincérité. C'est-à-dire quand on fait une chose en secret, alors qu'on aurait pu la montrer, on n'a pas montré, c'est un signe de sincérité. Mais ça ne veut pas dire que on doit faire tout en secret, ça ne veut pas dire cela. C'est pour cela que, par exemple, le jeûne, une femme, il ne lui est pas permis de jeûner nafila, surérogatoire, sans l'avis de son mari. C'est pour ça que elle lui demandera son avis et ça n'empêche pas qu'elle est toujours sincère parce qu'elle ne l'a pas dit aux autres gens, mais elle a laissé entre elle et son mari envers lequel elle est obligée de demander la permission. Ensuite, je n'oublierai pas de dire que si la femme doit ou la va jeûner une dette, par exemple une dette de menstrues ou la de Ramadan ou là, elle n'est pas obligée de demander la permission à son mari. Elle ne demande la permission que quand elle va jeûner. Pourquoi? Pour la chose qui n'est pas obligatoire. Non, mais c'est mieux, même pour l'obligatoire, c'est mieux. Et qu'ils sachent pour que, comme ça, ils ne s'énervent pas le lendemain et qu'ils disent je ne savais pas, etc. Alors que moi, j'avais pensé à autre chose, etc. Non. Non, Barakallahu fik Abu Marwan. Ensuite, pour l'argent, attendez, elle a parlé de l'argent et elle a parlé d'autres choses. Une seconde, je monte un peu en haut. Non. Non, pour l'argent et pour l'autre. Taïb, en ce qui concerne l'argent, il faudrait savoir qu'il y a divergence entre les savants dans cette chose. Hein? Beaucoup disent qu'elle peut donner de son argent puisque c'est son argent à elle propre, et ce n'est pas l'argent de son mari. Ça, c'est l'avis de beaucoup de savants. En contrepartie, il y a certains, entre autres Cheikh Al-Albani Rahmo, qui dit que la femme ne peut rien faire de son argent sans demander l'autorisation à son mari. Se basant sur un hadith authentique qu'il a lui-même cité dans Sahih al-Jami', qu'aucune femme n'avait le droit de toucher à son argent si elle ne demandait pas l'autorisation de son mari. Non. Mais ça ne veut pas dire que son mari peut lui prendre son argent. Non. Ça veut dire qu'elle lui demande seulement l'autorisation qu'elle allait acheter ceci ou cela. En fait, vous savez que yani la femme, il se peut, même avec son argent, elle achète des choses et que son mari s'énerve, par exemple. Ils disent pourquoi tu as acheté cette chose futile? Pourquoi j'aime pas cette chose dans ma maison, etc. etc. Non. Et il y a un troisième avis, l'avis de Ibn Hajr al-Asqalani dans Fath al-Bari et d'autres savants aussi qui disent que elle peut donner à condition qu'elle ne donne pas plus du un tiers. Elle peut donner son argent, faire l'aumône, etc. à condition qu'elle ne dépasse pas le un tiers. Si elle prend cet avis du milieu, Inch'Allah ta'ala, elle est dans le juste. Et si elle prend aussi de l'avis de Cheikh Al-Albani qu'elle ne fasse rien sans demander, Inch'Allah ta'ala aussi, les dons le juste. Reste pour les moutons et pour la science qu'elle demande. Ensuite, son mari veut savoir ce qu'elle a fait, etc. Non, elle peut lui dire, car premièrement, lui, il veut savoir. Non, pour on ne sait jamais, pour la guider, pour la corriger, ça d'un côté. Et de l'autre côté, ça lui fait aussi plaisir. Donc, ça aide à ce qu'il se rapproche encore plus d'elle et à ce qu'il l'aime encore plus. Naam. Et à chaque fois qu'il lui demande pas, ce n'est pas la peine qu'elle lui dise. Tant qu'il n'a pas demandé, je ne lui dis pas. Maintenant, s'il veut savoir des détails, naam, étant mon mari, qu'il veut savoir ce que je fais, etc., je peux lui dire bi'idhnillahi azzawajal et sans rentrer dans quoi? Sans rentrer dans ce qu'on appelle si jamais elle sent quelque chose, si jamais elle sent quelque chose à chaque fois qu'elle lui raconte, elle peut lui dire, je serai franche avec toi pour te dire que à chaque fois que je te raconte comme ça, je sens que je ne fais pas ces choses pour Allah Ta'ala. C'est pour ça, barakallahu fik, yani, si ça t'embarrasse pas, yani, ne me demande pas pour que je ne sente pas dans mon cœur que je suis en train de faire de l'ostentation. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tfadhal. Salam alaykoum, Cheikh. J'ai une question. J'ai une question qui n'est pas de aqida, mais dedans il y a un tout petit peu de aqida, un tout petit peu. Donc, inshallah, je vais quand même la lire. Donc, c'est Salam alaykoum, Cheikh. J'ai une tante mariée qui a cinq enfants, mashallah. Le mari de ma tante est un homme qui boit et qui fume. Qu'Allah le guide, amin. Et il frappe souvent sa femme, a'oudou billah, pour rien. Ma tante ne réagit jamais. Elle ne se plaint jamais et elle patiente, mashallah. D'ailleurs, ce n'est pas elle qui nous a dit tout cela, mais c'est son mari qui nous raconte qu'il la frappe. C'est son fils âgé de 15 ans qui me l'a dit. Quel conseil pouvez-vous donner à ces enfants? Demandez à Allah de guider ces enfants qui ont grandi dans un milieu haram. Barakallahu fikoum. Ma question est la suivante. Est-il permis aux enfants de corriger dans le sens frapper, de frapper leur père qui a frappé leur mère devant eux. Le jeune de 15 ans a frappé son père par la haine et ne voit que du mal lorsqu'il parle de son père. Cher, je vous demande de nous conseiller quelle nasiha pouvez-vous faire pour mes cousins, Inch'Allah. Walaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jal aime celui qui m'a aimé en Allah Azza wa Jal. Je dis et je donne mon conseil en général que on ne doit jamais, jamais, jamais arriver à frapper son père. Naam, ils peuvent défendre leur mère. Défendre leur mère, naam, surtout quand ils savent qu'elle est innocente. Ils savent qu'elle est innocente. Ils peuvent la défendre en empêchant le père de la frapper. Puisque celui-là peut frapper son père, donc il est assez fort. Donc, qu'il fasse la chose licite, c'est quoi? C'est de l'empêcher qu'il frappe sa mère, Ben Lazol, qu'il la cache dans une chambre, etc., et qu'il ne le laisse pas arriver jusqu'à qu'il frappe sa mère. Mais de là jusqu'à frapper son père, non, ce n'est pas permis en islam. Ce qui est permis, c'est de l'empêcher par tous les moyens pour qu'il frappe sa femme quand elle est innocente. Quand elle est innocente. Même si elle est fautive, le père n'a pas le droit de la frapper d'une façon qui n'est pas yani, légiféré. En islam, c'est légiféré de frapper comme ça, yani, de quelques frappes légères, et non pas la rouer de coups avec un bâton, avec une chaîne, ou bien avec je ne sais pas quoi, le fouet, tout ça, nam, ça n'existe pas en islam dans le couple. Allah subhanahu wa ta'ala, alam. Je demande aux frères et sœurs de m'excuser. Je commence Allah Ta'ala à me fatiguer, bien subhanahu wa ta'ala. J'espère que vous m'excuserez si je vous dis que je suis fatigué et que je vous donne Inch'Allah Ta'ala un rendez-vous mercredi, bien subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas que maintenant vous avez le téléphone pour poser vos questions Inch'Allah Ta'ala mardi. Et que j'oublierai pas de dire une chose. Marwan, d'accord. C'est quoi les deux choses? La première, c'est que de temps en temps, il faut jeter un coup d'œil dans le site www.chalabi.com. Pourquoi? Parce qu'il est possible que je change le jour des appels. Il est possible que le jour des appels devienne, par exemple, un dimanche. Si vous allez dire, Subhanallah, j'ai téléphoné pendant 2 heures, personne ne m'a répondu. Ça, parce qu'il a changé, tu ne sais pas. Il a dit, Wahda. Comme il est possible qu'il ne change pas. Deuxièmement, de voir aussi le site à cause des horaires. Parce que maintenant, je réponds d'après les horaires de la salat. Et maintenant, le Maghreb, le Zohar, tout ça va changer. Troisièmement, n'oubliez pas, si vous m'appelez Ben Azzawajal, N'oubliez pas que entre 14h et 17h, qu'il y a la salat al-asr. N'oubliez pas donc que vers 15h, entre 15h15 et 15h30 à peu près, que je suis en train de faire la salat. Vous dites pas pourquoi le téléphone est fermé. S'il est fermé, c'est que je suis en train de faire la salat normalement. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Tfadl Abu Marwan, tfadl. Barakallahu fikoum, Cheikh. Donc, Inch'Allah, j'ai une question. Peut-être, vous, certains ils vont dire que ce n'est pas une question de aqida, mais Inch'Allah, c'est une question de aqida. Ma question, c'est, Cheikh, en islam, nous les musulmans, est-ce que nous devons avoir la croyance que la terre, elle tourne autour du soleil, ou c'est le soleil qui tourne autour de la terre, ou les deux, ils tournent chacun autour de l'autre? Barakallahu fikoum, Cheikh. Salamu alaykoum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، maintenant nous ce qu'on sait, ce qu'on nous a appris à l'école depuis notre enfance, c'est quoi? Qu'est-ce qu'a découvert Copernic, ou je sais pas comment qui s'appelle Adak? C'est quoi? Attendez, je me rappelle, c'est quoi? C'est que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre. Est-ce que je me trompe ou je me trompe pas? Sinon, corrigez-moi. Qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école? Est-ce que c'est le soleil qui tourne ou bien c'est la Terre? Attendez. Soleil, la Terre. Je crois qu'on nous a appris le contraire. Je crois qu'on nous a appris que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Rappelez-moi qu'est-ce qu'on nous a appris comme ça pour que je vous dise autre chose. Non, Abou Marouane, je parle pas du Coran, ce qu'a dit le Coran. Je te parle ce qu'a dit l'école. Qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école et qu'est-ce qu'il y a dans les livres de science? C'est le soleil qui tourne ou bien c'est la terre qui tourne? Maintenant, moi-même, j'ai oublié. Voilà, la terre tourne autour du soleil. Non, ce soleil. Yani a beaucoup de comment ça s'appelle de kawakib qui tournent autour de lui. Entre autres, la Terre, la Lune, kada. La Terre tourne autour d'elle-même. C'est voilà. Maintenant, je me rappelle ce qu'on nous a appris. La Terre tourne autour d'elle-même, de la droite vers la gauche, et en même temps, elle tourne autour du Soleil. Voilà ce qu'on nous a appris. La Terre tourne autour d'elle-même et en même temps qu'elle tourne autour d'elle-même, elle est en train de tourner autour du soleil de gauche à droite dans, regardez, le sens inverse des aiguilles de la montre. À l'école, on apprend que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Non. Maintenant, ça fait pas longtemps, j'ai lu Cheikh Ibn Uthaymeen, là, je ne sais pas qui dit que c'est le contraire, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Naam. Maintenant, moi, que je dis Allahu a'lam. Maintenant, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a la science, comment ça s'appelle, il n'y a pas de contradiction. Naam. Wallah, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Naam. Je sais une chose, je sais une chose, c'est que jamais le Coran et la science ne se contredisent. Voilà ce que je sais. Jamais le Coran et la science ne peuvent se contredire. S'il y a une contradiction, c'est le Coran qui a raison. Et la science qui s'est trompée, et elle va le découvrir après. Après, elle va dire, voilà, on s'était trompé, on croyait ceci et cela. Pourquoi? Parce qu'il y a contradiction avec le Coran. C'est impossible que Allah Azzawajal, qui a créé le ciel, qui a créé les cieux, qui a créé le soleil, qui a créé la terre, et qu'ils disent par exemple que c'est le soleil qui tourne, ensuite, ce n'est pas vrai. C'est impossible. C'est celui qui a dit le contraire qui s'est trompé. Donc jusqu'à maintenant, Allahu Azzawajal a'lam. Naam. Cheikh Ibn Uthaymeen a porté et dit que c'est le contraire. Naam. Allahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Je ne sais pas comment. Il faut grouper entre les deux. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Et pour les cours d'arabe, inshallah ta'ala, c'est pour bientôt. Ce sera, comme il a dit l'autre, des classes de 10 personnes. Et peut-être pas plus de 10, pas plus de 2 classes. Naam. Et que, naam, je n'attends qu'un livre qui doit arriver. Il ne m'est pas encore arrivé. Demain, après-demain, je vais voir la personne qui m'a promis de me donner ce livre. Je vais la voir, inshallah ta'ala. Naam. Vous vous inscrivez pour l'instant. Ensuite, on va voir comment choisir parmi les inscrits, hein, ceux qui sont sérieux et ceux qui peuvent assister et ceux qui ont le niveau. C'est quel niveau il faut? Pour assister, il faut pas avoir de niveau, c'est ça le niveau. C'est-à-dire celui qui a un niveau là, qui a un bon niveau en arabe, je vais pas le prendre. Il faut qu'il soit nul. Il faut qu'il soit nul. Et il vient avec un bonnet d'âne sur la tête. Quand il s'assoit, il a un bonnet sur sa tête, un bonnet d'âne, je ne le vois pas. Mais il va comme ça le mettre en. Il va le fabriquer, il le met sur sa tête avec du papier. Naam. S'il connaît la différence entre ba, ta, et sa, et jim, et ha, et kha, ce n'est pas la peine qu'il assiste. Il faut qu'il soit nul, naam, pour que il puisse assister. Je devrais être accepté alors. Allahu alam. Il faut être nul là pour être accepté. Je vais te faire un examen. S'il se trouve que tu connais quelque chose, tu n'assistes pas. Il faut être un nulard pour pouvoir pour être accepté dans le cours. Hein? C'est pour ça que je n'ai pas voulu commencer par les tombes de Médine. Les tombes de Médine, directement, ça commence par Hada Masjid, Hada Kitab, Hada ceci, Hada cela. Oh, comment il commence direct? Ça, c'est un livre, ça, c'est une mosquée, etc. Alors que celui-là, il ne connaît même pas les lettres. On n'est même pas les lettres, on lui dessine un A en arabe, il va dire c'est quoi ça? Il va dire c'est un poteau électrique, c'est pas que c'est un A. Ah, celui-là, je ne peux pas commencer à dire que c'est un livre, c'est ceci, cela. Non, oui, yep. On va l'empêcher de commencer, inshallah ta'ala. Non, ensuite. Vous avez vu que les cours seront payants, inshallah ta'ala, jusqu'au jour où je vais commencer le travail. Dès que je vais commencer, inshallah ta'ala, à travailler, les cours ne seront plus payants, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Dès que je vais commencer le travail, inshallah ta'ala, les cours ne seront plus payants, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc je vous dis, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.